jusqu'à 9h dans votre émission Allo Première au 99-2000. Juste avant, des nouvelles de la route avec Yves Gruyer, Madcon sur la première. Belle journée. Madcon sur Réunion Première, les vacances, mais pas la retraite, attention. Hein. Bonjour Claude. Bonjour Jackie, bonjour à tous. On en parle de la retraite aujourd'hui dans Allo Première. Oui, alors la retraite, on n'y pense pas forcément, mais lorsque l'âge légal arrive, eh bien, si on n'a rien à préparer, Jackie, c'est un peu beaucoup la galère. Donc pour info, une personne sur cinq demande sa retraite au bon moment. On en parlera juste après le journal au 02 62 99 2000. Claude Montané sur Réunion Première. Allez, on va tout de suite rejoindre Yves Gruyer. Attention, il y a un accident dans le sud à Pierrefonds. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Est-ce qu'on a des précisions concernant cet accident, Yves ? Yves ? On passe au niveau de la bretelle d'insertion de l'échangeur de l'entre-deux. Quand on quitte l'entre-deux pour aller vers Saint-Pierre en direction du sud, hein, donc juste au niveau de cette bretelle, c'est pas les deux voies qui sont impactées, mais plus cette bretelle. Et ça provoque de gros ralentissements qui démarrent depuis le Gol. Hein, c'est un accident qui s'est produit... sans doute il y a 10 minutes, plus de 10 minutes, un quart d'heure. C'est monté très vite hein, pour les embouteillages. Donc attention si vous circulez en direction du sud depuis cette ligne droite de l'usine du Gol. Voilà, donc pour passer l'échangeur de Bel Air, le pont de la rivière Saint-Étienne, tout ça s'est encombré, donc ça représente quand même pas loin de 1,5 km, presque deux, même au moins 2 km de difficulté en direction du sud. Donc je vous lisais les ponts, les secours viennent d'arriver sur place. Et alors c'est surtout la bretelle d'insertion, donc les gens bien sûr qui quittent l'entre-deux sont obligés de se décaler rapidement sur la voie de circulation. Donc c'est pour ça que ça coince à ce niveau. Patience, y compris également sans doute sur une partie de la RD26 qui est généralement encore encombrée à cette heure-ci. Voilà, ça se passait bien ce matin, malheureusement, donc il y a cet accident. Bien, sauf dans l'ouest, puisqu'on est encore une fois, alors maintenant, avant le tunnel du Cap Laoussé, hein, donc il y a encore de gros ralentissements sur cette fin de route des Tamarins pour descendre vers Saint-Paul, même si ce matin, Cambay avait moins de difficultés. Ben, bon, il y a quand même encore une circulation sans doute un peu plus ralentie que d'habitude pour cet accès à l'axe mixte. L'entrée ouest, toujours sous le tunnel du Cap Bernard, donc pas de changement. Pour Vincent de dégager, la tranchée côté mer reste encombrée. Et puis après Gillot, il y a quelques ralentissements pour rejoindre Saint-Denis en direction du front de mer. Voilà, très bonne route. Et je rappelle, accident dans le sud, sens Saint-Louis, Saint-Pierre, bouchon depuis le Gol. C'était les infos routes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. La retraite, c'est comme un bon carry, il faut préparer l'île. Gérard Rivière, le président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, est notre invité ce matin. Les questions 02 62 99 2000, il est 8h. Le journal de la première, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Les élus de la région ne veulent pas d'incinérateurs, ils veulent des unités de valorisation énergétique qui brûlent les déchets. Nuance et objet de débat hier lors de la séance plénière au Conseil régional. Nous entendrons Jean-Paul Virapoulet, élu de la majorité. Un médecin mis en examen pour détention d'images pornographiques mettant en scène des enfants. Ça se passe à la ligne des bambous dans le sud. L'un de ses confrères avait alerté sur cette situation. À Mayotte, il n'y a plus de réfugiés sur la place de la République. À Mamoudzou, les personnes expulsées de leur logement sont accueillies dans un gîte où leur accueil provisoire s'organise. Puis nous irons à bord de la Loupiote, un voilier jaune installé au port de Saint-Pierre. Rencontre avec Delphine et Franck. Ils naviguent et proposent un spectacle. Rencontre dans ce journal. Réunion première, Cécile Thomas. Petite bataille des mots avec derrière de gros enjeux. Lors de la séance plénière à la région hier, les élus ont adopté le plan départemental d'élimination des déchets. Ils ont validé le principe de deux unités de valorisation énergétique, des UVE, que la majorité refuse d'appeler incinérateurs. C'est là que l'on voit le poids des mots puisque ces unités finiront par brûler des déchets ultimes. Pour Jean-Paul Virapoulet, la pollution sera minimisée. Nous sommes obligés de respecter la loi. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'incinération. Il y aura d'abord le tri, la valorisation matière. On prend les déchets, on enlève tout ce qui est valorisable, fer, plomb, cuivre, etc. Puis ce qui reste, ces déchets, on les traite, on les épure et on en fait du combustible solide de récupération dont les normes sont fixées par la loi. Puis on les amène dans une usine qui les transforme en énergie électrique que l'on va vendre. Et cette énergie électrique revient en recette et nous espérons pouvoir répercuter cette recette sur la facture des contribuables. Jean-Paul Virapoulet, élu de la majorité de la région, interrogé par Bruce Régent. L'opposition est-elle opposée à toutes sortes d'incinérations de déchets? Elle trouve ces installations coûteuses et lorsqu'elles fonctionnent, elles doivent être alimentées en continu, ce qui pourrait décourager le tri fait par chaque famille à son domicile. L'Ordre des médecins de la Réunion a déposé une plainte auprès de la chambre disciplinaire. Une plainte contre un médecin de la ligne des bambous, mis en examen en avril dernier pour détention d'images pornographiques mettant en scène des enfants. L'instruction est toujours en cours. Les enquêteurs analysent l'ordinateur du médecin, qui par ailleurs doit se prêter à des expertises psychiatriques. Il s'agit d'une récidive puisqu'il avait déjà été condamné en 2010 pour les mêmes faits. Pas de date de procès pour le moment, mais le médecin est interdit d'exercice, qui n'avait pas été le cas il y a 6 ans, malgré l'intervention d'un de ses collègues qui avait repéré son comportement. Sophie Persson. Un médecin pédophile qui continue à exercer son métier, c'est possible. C'est même ce qui s'est passé pendant 6 ans. Le médecin de la ligne des bambous a bien été condamné en 2010, mais sur l'exercice de son métier, la justice a laissé l'ordre des médecins s'en charger. Et l'ordre ne s'est pas empressé d'agir. 2 mois d'interdiction d'exercer en 2015, voilà la sanction. Dans le même temps, l'un des associés du médecin pédophile a lui reçu un blâme de l'ordre et a été condamné à verser 1500 euros d'amende. La raison ? Un comportement jugé non confraternel. Cet associé du médecin pédophile a en effet largement informé les patients et certains ont donc renoncé à se faire soigner par lui. et, estime l'ordre, ces circonstances ne justifiaient pas qu'il adopte un comportement actif de dénigrement. La Chambre disciplinaire nationale a aussi jugé le médecin non confraternel lors de son départ du cabinet qui a été compliqué. Et c'est donc le médecin lanceur d'alerte qui a écopé d'un blâme de la part de ses pairs dans cette affaire. Un an après, le médecin qui l'avait dénigré a donc récidivé. Sophie Persson. Après le drame et le choc provoqué par un camion fou la semaine dernière sur le boulevard Lancastel, les professionnels de la route se sont mobilisés hier. La Fédération nationale des transporteurs routiers et son président Jean-Bernard Caroupaille ont pris l'initiative de provoquer une réunion de crise pour informer, sensibiliser et rappeler les règles de sécurité. Une façon aussi de rappeler leur responsabilité aux conducteurs de poids lourds professionnels de la route. Marie Samy est l'épouse d'un gérant d'une entreprise de transport. Elle a assisté à la rencontre. Mon chauffeur, il est là aussi, donc il va prendre note aussi, il sera aussi à l'écoute de ce qu'on va lui apporter. Oui. On connaît, mais malheureusement, le téléphone, ça peut arriver, téléphone ou il y a des choses qui peuvent arriver, mais bon, après, c'est pas pardonnable, l'alcool, la drogue. L'alcool, je pense que le pourcentage d'accidents, c'est en rapport avec ça. Et je pense que tout le monde, avec toutes les pubs qu'on fait, je pense qu'il faut être un peu vigilant. Marie Samiz, épouse d'un gérant d'entreprise de transport, répondait à Steve-Henri Peters et Hermina Lasson. Deuxième journée d'épreuves pour les candidats au brevet des collèges après le français et les mathématiques hier, place aujourd'hui à l'histoire géo et à l'histoire de l'art. Les notes de ces épreuves compteront pour un peu moins de la moitié de la note finale de l'examen. L'autre moitié est basée sur les résultats obtenus en contrôle continu cette année. À partir de 12 de moyenne, un candidat peut prétendre à une mention, une distinction particulièrement intéressante pour les élèves boursiers qui sont gratifiés dès la mention bien, soit 15 de moyenne. Jean-Paul Populu est le principal du collège Mille-Roches à Saint-André. Pour les élèves boursiers, c'est chargé de sens parce que tous ceux qui auront une mention, à partir de la mention très bien, auront une bourse au mérite qui est de 800 euros. Il y avait cette bourse avant, mais les critères d'attribution ont changé. Précédemment, l'administration nous demandait d'établir une liste d'élèves méritants qui était recroisée après avec les services du rectorat, avec les admis au brevet qui avaient obtenu une mention. Là, je pense que prendre un seul critère, c'est-à-dire on prend les élèves boursiers, on prend les méritants en termes de mention, je pense que c'est plus transparent pour tout le monde. Oui, parce qu'avant, vous aviez droit au défilé des parents dans le bureau. Après, vous savez, c'est toujours compliqué sur une cohorte de 230 ou 250 élèves de 3e de décider qui est plus méritant les uns que les autres. Donc là, le juge de paix, c'est le brevet, c'est très bien. Jean-Paul Populu, le principal du collège Mille-Roches à Saint-André, interrogé par Olivier Delarichaudy, suite des épreuves aujourd'hui. Et pendant que ceux qui sont en troisième planchaient sur le brevet, 300 élèves de primaire ont participé hier au challenge de la voile scolaire à Saint-Pierre. Un challenge organisé notamment par la Ligue réunionnaise de voile et l'Éducation nationale. En lice, 12 classes sur les 60 qui ont fait de la voile durant l'année scolaire. Elles se sont affrontées dans une petite compétition d'optimistes. Une année de voile qui s'est donc terminée par une fête pour ces scolaires séduits par cette discipline. Nous l'a bien amusé, nous l'a appris à faire des nœuds, nous l'a fait des questions et il fait montrer à nous comment il fait pour aller vite, pour griller les voiles, comment il faut mettre le bateau dans l'eau. J'ai participé à le projet de la voile parce que j'aimais bien un petit peu la voile. Alors on a fait les nœuds, on a fait comment gréer et dégréer les voiles rapidement, on a appris comment faire les puzzles, les baleines et des dauphins. On a appris les différents noms des queues de la baleine et on a fait des puzzles, des puzzles, on s'est bien amusé. Il y a le soleil et en même temps ça évite les leçons. Des propos recueillis par Pierre Komorasamy. À Mayotte, les expulsés de la place de la République ont désormais trouvé refuge au gîte, le Bangali, dans les hauteurs de Vaïbé. Finis de dormir dehors, sans sanitaire, ils ont trouvé un toit, mais l'organisation de ce gîte prendra encore quelques jours. Les précisions de Kalatoumi Abdiladi. Le jour s'élève au Bengali. Dans la grande pièce de réception, les enfants regardent la télévision, les adultes discutent, réorganisent leur vie, avec à côté d'eux leur matelas et leur maigre bien qui était à la place de la République. Officiellement, 130 personnes sont arrivées là hier soir, mais il faut encore les recenser pour être sûr avant de dresser les tentes pour les jours à venir. Rafouzati Nailan, propriétaire de Bengali. J'ai demandé à ce qu'un recensement soit fait là sur place pour qu'on sache exactement combien de personnes sont arrivées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont recensées là à la place de la République qui n'étaient pas là? Donc on attend à ce qu'eux-mêmes, leur secrétaire, ils fassent la démarche de recenser les gens pour pouvoir classer les gens dans les tentes. Le recensement a été fait par la préfecture, mais même eux, il y a eu des revendications qu'il y a des parents qui n'avaient pas amené leurs enfants. Eux, ils se sont présentés, mais les enfants n'étaient pas là parce qu'ils devraient aller à l'école ce matin. Donc c'est pour ça qu'on doit le refaire, nous, sur place. Ceux qui ont des enfants parmi ces expulsés se réjouissent d'être au gîte. Oui, je suis contente d'être ici avec les enfants. On voit les enfants jouer à la télé, regardent. Ils ne sont pas sales comme là-bas, ils ne vont pas à la mer, ils ne jouent pas n'importe où. Ils sont dans une grande maison, là ça va, on est bien. Les expulsés de la place de la République vont loger sur le site au minimum jusqu'à l'Aïd et au maximum pour les 3 prochains mois. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Depuis le début de la semaine, la Loupiote a jeté l'ancre au port de Saint-Pierre pour une escale d'un mois. La Loupiote, c'est un petit voilier jaune qui sert de scène au spectacle de deux artistes navigateurs, Delphine et Franck. Ce couple de navigartistes a quitté la métropole pour un tour du monde en 2004. Avec leurs enfants, ils sillonnent les mers et au gré des escales proposent leurs deux créations entre théâtre et cirque, les navigateurs et entre îles et elle rencontre avec Pierre Komorasami. C'est l'histoire incroyable d'un couple, Delphine et Franck, artistes acrobates et passionnés par la mer. Un jour de 2004, ils décident de larguer les voiles. Delphine. C'était l'idée de rejoindre deux passions et un métier, c'est l'acrobatie et puis la mer. Et surtout de présenter dans des lieux différents des spectacles, pouvoir aborder des zones qui parfois n'ont jamais reçu de ce type de spectacle. Sauf que ces artistes ne vont pas se produire à terre. Leur scène, c'est leur bateau. Franck et Delphine. Avec les disciplines de cirque qu'on pratique qui nécessitent de l'aérien, on avait souvent le problème d'accrocher en l'air nos accessoires et le bateau voilier nous offrait la possibilité de l'autonomie par rapport à ça. On avait directement notre portique avec nous et on voyage avec notre scène. Le fait que ça se passe sur un bateau, c'est qu'on utilise aussi toutes les parties du bateau comme agrès, comme outil. Porté par les vents, le petit cirque flottant sillonne les mers du Sud depuis 12 ans maintenant. Au gré des escales, le couple va à la rencontre du public pour leur présenter deux spectacles poétiques et humoristiques. Des spectacles qui mêlent cirque, danse et théâtre. Et grâce à ce public, la Loupiote est en passe aujourd'hui de réaliser son tour du monde. Franck. C'est la libre contribution du public, un spectacle au chapeau, pour parler comme les saltimbanques d'antan. Après la Réunion, cap sur Madagascar, puis l'Afrique du Sud, avant de boucler la boucle avec le retour en métropole l'an prochain. Le spectacle de la Loupiote à découvrir ce soir et samedi à 18h et 20h et dimanche à 15h et 17h. L'info revient à 9h. Très belle journée à l'écoute de la Première, il est 8h12. On s'envole encore une fois pour Paris pour retrouver Steven Nipat pour la revue de presse. Bonjour Steven. Attends, il n'est pas là. Ah! Et ben alors ça c'est direct, il n'est pas là. Voilà, mais il revient juste après la météo, Cécile Thomas, avec ces jours qui se suivent et se ressemblent. Et oui, nous avons quasi le même temps qu'hier, nuageux dans la région, du mieux en avançant doucement dans cette journée. Ailleurs, le temps reste bien ensoleillé et puis au cours de l'après-midi, nuages sur les pentes et puis un ciel dégagé sur les côtes ouest et sud. Première. Le samedi et dimanche dans le 15-18, Lucas, ça se passe comme ça. Sur Réunion Première. Tous les tubes du moment. Des places de ciné à gagner. La pépite du dimanche. Là. La semaine musicale parle de vous, people. Et avec vous. Mais pourquoi pas. Vous savez quoi. Ce week-end, 15h-18h, Lucas, on est bien ensemble. Envie de fraîcheur. Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Poussez les portes du conservatoire Rayonnement Régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion, maloya, séga, quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. Première. Direction Paris, Cécile Thomas. on a raté notre premier décollage. Est-ce que le deuxième est le bon ? Bonjour Steven Nipat. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Le magazine Valeurs Actuelles évoque une éventuelle reprise du GIR. Oui, vous le savez, l'actionnaire principal du quotidien réunionnais a déposé le bilan il y a quelques mois. Le quotidien a perdu l'an dernier près d'1 million d'euros. Abdoul Kadji aurait donc fait appel à Jacques Tillier, qui avait déjà dirigé le journal entre le début des années 90 et la fin des années 2000. Il prévoit par ailleurs de réduire de façon drastique ses effectifs. Jacques Tillier est arrivé dans l'île, effectivement. On l'a vu, les parodies célébrant le talent de Dimitri Payet se multiplient. Dans la presse, il trône même à la place du président de la République sur la photo officielle de l'Élysée. Oui, c'est à voir. Le président Payet pose en une du magazine Society. C'est l'homme du moment, à 29 ans. Peut-il mener l'équipe de France vers un triomphe, se demande la publication. Mais le costume n'est-il pas trop grand pour un joueur qui revient de si loin ? N'enflammez pas les joueurs comme vous l'avez fait avec Pogba ou encore Griezmann, a lancé le capitaine des Bleus, Patrice Evra. Après les belles prestations de l'international réunionnais, Dimitri est visiblement en phase avec son capitaine. Il sait aussi sans doute, écrit Society, que les histoires d'amour finissent mal en général. Général, personne n'est à l'abri d'un retournement de veste, général également. S'il marche moins bien au prochain match, on va dire que ça lui est monté à la tête, disent encore ses supporters. En tout cas, nous, on est sûr, Dimitri, c'est le meilleur. C'est certain. Rendez-vous dimanche pour le prochain match de l'équipe de France. Bonne journée à vous, Steven. Bonne journée. Merci. Seule une personne sur cinq demande sa retraite au bon moment. Que nous vaut-il entendre par bon moment ? Êtes-vous concerné ? Le serez-vous dans quelques temps ? Parfois, la retraite est zappée de notre mémoire. Est-ce que vous avez bien préparé la vôtre ? Est-il nécessaire surtout de bien la préparer ? Et si vous avez rencontré des difficultés dans le montage du dossier de retraite, on peut en parler sur la première. Et si vous avez suffisamment d'infos sur le sujet ? Alors, jusqu'au 10 juillet, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion lance une campagne de communication pour encourager les futurs retraités de l'île à adopter les bonnes pratiques en matière de préparation à la retraite. Leur slogan, la retraite, c'est comme un bon carry, il faut préparer l'île. On en parle sur la première, au standard 02 62 99 2000. Les questions par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h, 10h. Allo Première, Claude Montanet. L'information routière sur la première. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, bonjour, vous êtes sur Saint-André. Oui Claude, avenue d'Île-de-France, une avenue qui mérite d'être refaite un peu parce que c'est vrai que c'est la chaussée est fortement dégradée jusqu'au niveau du petit bazar et puis il y avait un peu de monde pour sortir de Cambuston et passer sur tout le carrefour du chemin du centre, donc ça ralentissait tout à l'heure. En allant vers Saint-André, donc en sortie de Cambuston, c'est un carrefour. On a failli avoir un giratoire. Hein, il y a pas très très longtemps, c'était prévu, mais bon, un problème d'emprise, c'est-à-dire de rive. En ce qui concerne le trafic, je rappelle cet accident donc au niveau de Pierrefonds, au niveau de l'échangeur en direction de Saint-Pierre. Alors là, tout à l'heure, c'était uniquement sur la bretelle, mais là, la voie de droite a été neutralisée. Alors c'est encore plus compliqué pour passer ce tronçon et le bouchon qui démarre peu après. Attention à la courbe de l'échangeur des sables, étant salé, hein, donc toute la ligne droite du Gol, Bel Air, le pont de la rivière des Galets, tout ça s'est bouché. On est à près de 4 km de difficulté en ce moment. Les camions de remorquage sont arrivés sur place. Alors il y a au moins 3 voire 4 véhicules impliqués dans cette collision. Ça s'est produit tout à l'heure. Les pompiers étaient sur place, mais surtout des dégâts matériels. Hein, donc ça doit pas être très grave. Mais donc grosse difficulté dans le sens nord-sud, donc à hauteur de Saint-Louis, entre Saint-Louis et Pierrefonds. En ce qui concerne le trafic, pas de chance, hein, encore une fois ce matin, échangeur de l'éperon, la bretelle de Cambay est toujours le problème, donc comme hier. Alors ça s'était mieux passé en début de matinée, tout au début, mais ça s'est vite dégradé, ce qui fait que la circulation est toujours très difficile pour rejoindre l'axe mixte par cette bretelle, et c'est cette bretelle qui provoque ces ralentissements que vous subissez depuis l'éperon, du coup sur le littoral, alors que ça roulait bien entre Grandfond et Boucan, ça y est, c'est bouché. Patience, l'entrée ouest s'est dégagée, l'entrée est également, c'est la bonne nouvelle. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Nous terminons cette saison de chronique Planète Outre-mer avec le Piton de la Fournaise. Le volcan de La Réunion est l'un des plus actifs de la planète. Le 24 août 2015, il entre en éruption. Caroline Marie. Planète Outre-mer. La chronique environnement présentée par Caroline Marie. Le Piton de la Fournaise est l'un des deux volcans de l'île de la Réunion et il est l'un des plus actifs de la planète. Il est situé au sud de l'île, alors que le Piton des Neiges, qui est éteint, est situé au nord. Le Piton de la Fournaise représente environ un quart de l'île et culmine à 2600 mètres d'altitude. C'est un volcan effusif et explosif. Il est tellement actif que depuis 1979, il est surveillé par des volcanologues 24 heures sur 24. On compte en moyenne une éruption par an. Le 24 août 2015, le Piton de la Fournaise entre en éruption. L'Observatoire met en place sa cellule de crise. Nicolas Villeneuve, responsable de l'Observatoire. Alors là, c'est ce qu'on appelle la salle de crise. Pourquoi ? Parce qu'on a tous nos écrans qui sont là. Et c'est là qu'on vit les moments de crise éruptive. Alors là, par exemple, on a un certain nombre de caméras qui sont répliquées ici. Et actuellement, l'éruption, elle est juste derrière ce nuage. Depuis Pitomber, c'est-à-dire qu'elle est visible, si on regarde la carte, elle est visible de ce point-là. Et la fissure éruptive est située actuellement, celle qui fonctionne encore à cette heure-ci, sur ce cratère-là, le cratère Rivals, qui date de 1937, ici. Alors, l'éruption la plus longue jamais observée depuis que l'homme est sur la Réunion, c'est l'éruption de mars 1998. Elle a duré 6 mois. L'éruption de 2007 est également mémorable par la quantité de lave déversée. On a compté jusqu'à 220 millions de mètres cubes de magma, alors qu'une éruption moyenne représente 8 à 10 millions de mètres cubes de lave. Pour connaître la qualité du magma, une seule solution, en prélever un échantillon pour ensuite l'analyser. Le 24 août 2015, Guillaume Boudoir, volcanologue, s'apprête à partir sur site pour procéder à des prélèvements. Donc l'éruption a commencé hier, donc là on part donc sur le terrain pour prélever les premiers échantillons de lave donc, qui ont été émis et faire des mesures de gaz aussi. Donc à la fois échantillonnage solide et gazeux. Ça va nous servir donc à faire le comparatif avec les dernières éruptions, de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la recharge du volcan. Et c'est pas trop dangereux ? Il y a toujours un facteur risque, c'est sûr, mais disons qu'avec l'expérience des gens de l'observatoire, on fait en sorte de faire ça avec un maximum de sécurité. Et pour le moment, on touche du bois, mais il n'y a jamais eu de soucis. Dès que les laves sont refroidies, des processus de colonisation végétale peuvent se mettre en œuvre. Les lichens apparaissent en premier, puis les fougères, et enfin une végétation arborée. Mais les espèces endémiques, comme le bois de rempart, sont de plus en plus supplantées par des plantes exotiques envahissantes, comme les phylaos. C'était Planète Outre-mer, avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. La retraite, c'est comme un bon carry, il faut préparer. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous en ce moment en train de vous pencher sur le dossier ? Et surtout, si vous avez les bonnes infos, pourquoi seulement une personne sur cinq demande sa retraite au bon moment ? Qu'est-ce que cela signifie ? On en parle sur la première. Les questions, les réactions au standard 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 608 335. Bascule dans un autre système. va changer et qu'un jour nous sera erré. Pourquoi on est toujours dans le débat? Moi, n'a jamais le droit, hausse la voix. Comme il est avec vous, mais ressent qu'on n'est pas là. Mais remercie le bon Dieu quand les biens entre nous deux. Mon gâté, mon chéri. Tu as changé, c'est signé Seguel sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. La retraite, on n'y pense pas forcément, mais lorsque l'âge légal arrive et si on n'a rien préparé, c'est un peu beaucoup la galère. On en parle sur la première jusqu'à 9h avec les invités. Christophe Madica, directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Gérard Rivière, le président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être là. Gérard Rivière, c'est votre seconde visite dans le département. Vous êtes ici pour le lancement de la campagne sur la retraite, une campagne de communication pour encourager les futurs retraités à adopter les bons réflexes en matière de préparation à la retraite. Et comme le slogan de la CGSS, c'est comme un bon carry, il faut préparer à lit. Oui, tout à fait. Il s'agit de sensibiliser les assurés réunionnais pour anticiper le départ à la retraite. On dit toujours la retraite, c'est pas automatique. En termes de droit, on dit que la retraite, c'est quérable. C'est-à-dire que la retraite, on ne bénéficie pas systématiquement de la retraite à l'âge légal, 62 ans. Il faut faire une démarche d'anticipation pour préparer son dossier. J'ai le constat, parce que j'ai le rapport aussi, qui dit qu'en fait, Christophe Madica, c'est que seule une personne sur cinq fait sa demande dans les temps. Oui, seule une personne sur cinq à l'Arion fait sa demande dans les temps. C'est donc, très, très peu. C'est très peu, et donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir des ruptures de ressources. Et c'est parce qu'on veut lutter contre ces ruptures de ressources qu'on fait cette campagne pour informer les gens. Comment vous l'expliquez alors ce retard, Gérard Rivière? Qu'on ne s'y intéresse pas de suite, maintenant. C'est coutumier, j'allais dire. Hein, les assurés sociaux, les travailleurs, hein, pour être très clair. Avant la retraite, on est un travailleur en emploi ou en perte d'emploi ou en maladie. Mais la retraite, c'est culturel, ça ne se prépare pas forcément trop longtemps à l'avance. Intellectuellement, on dit, oui, je prendrai ma retraite. On a le temps d'y penser, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Puis les formules administratives, c'est toujours un peu rébarbatif. Alors, on retarde le moment et puis on pense que ça va se faire très rapidement, quelques semaines. Et c'est pas aussi simple que ça. D'autant que plus la carrière a été compliquée, plus la précarité est importante. C'est ça. Plus la carrière est difficile à reconstituer et demande plusieurs mois de préparation pour pouvoir bénéficier du paiement à la date choisie par l'assuré et éviter ce que Christophe Madica disait à l'instant, la rupture de ressources. Parce que c'est bien ça l'essentiel, c'est absolument éviter les ruptures de ressources pour les assurés sociaux. Alors, est-ce que c'est spécifique à la Réunion? Est-ce qu'en métropole, dans les autres départements, c'est différent alors? Alors, c'est différent en termes statistiques. Il y a moins de dépôts tardifs, comme on appelle ça dans notre jargon. Dépôts tardifs, oui. De dépôts tardifs en métropole qu'en Outre-mer. Mais néanmoins, ce phénomène existe aussi. Nous faisons des campagnes un peu moins fun, j'allais dire, que la campagne qui est lancée par la CGSS de La Réunion. Mais le décret du 19 août 2015 pris par la ministre Marisol Touraine va dans ce sens-là, c'est de dire, pour éviter la rupture de ressources, déposez votre dossier. Le décret dit 4 mois à l'avance, mais le dossier dans sa complétude. Ça veut dire que pour qu'il soit complet 4 mois avant, il faut le déposer 6 mois avant. 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions à nos invités ce matin jusqu'à 9h. Nous sommes sur ce dossier important qu'est la retraite par SMS au 06 92 608 335. Alors la campagne évidemment, donc avec ce slogan, c'est comme un bon carry hein, cette retraite. Il faut bien la préparer, Christophe Madica. Et là c'est votre équipe de la CGSS qui a travaillé sur ce slogan-là. Oui, pour définir le slogan, nous avons fait un concours auprès du personnel. Et donc ce concours a été lancé et il y a eu différentes propositions et donc nous avons retenu 7 propositions. Donc toute la campagne, y compris le visuel, a été faite suite à un concours donc par le personnel de la CGSS. Et effectivement, le caris a parlé à beaucoup de Réunionnais et pour faire un bon caris, eh bien il faut préparer les choses, acheter des choses, préparer, cuisiner un petit peu. Et puis une fois que tout est bien fait, que tout est bien cuisiné, eh bien on en profite tranquillement. Donc on a trouvé que le parallèle avec la retraite, eh bien avant de partir en retraite, il faut réunir un certain nombre d'éléments, de documents sur sa carrière. Il faut s'y prendre à l'avance. Et puis une fois que tout est bien préparé, qu'on a bien cuisiné les choses, eh bien on profite tranquillement de sa retraite. Nous viendrons vous retrouver au standard de la première. Vous êtes très nombreux à réagir ce matin, tant par sur les réseaux sociaux que par SMS au 06 92 608 335. Il y a ce constat tout de même. Seule une personne sur cinq demande sa retraite au bon moment. 02 62 99 2000. Votre AG en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Il est 8h30 sur la première. Yves, vous êtes toujours à Saint-André. Et on revient sur l'accident, hein, parce que c'est l'événement en ce moment. Ça y est, ça se termine. Les véhicules ont été dégagés. La voie de droite va être libérée dans un instant par la patrouille. Le temps d'enlever tous les cônes et le balisage qui avait été mis en place. Et vous allez de nouveau pouvoir circuler, mais avec ces 4 bons kilomètres de difficulté, hein, parce que c'est au niveau de l'échangeur des sables. Ça roule à entre 4 et 5 km heure en ce moment, pas plus. Hein, donc sur cette partie sud de Saint-Louis, entre les Tensalais et Saint-Louis, et donc jusqu'à l'échangeur de l'entre-deux, là où s'était produit cette collision. 3 voitures étaient impliquées. Il y a un blessé sans gravité, donc un blessé léger impliqué dans cette collision, voilà, située au niveau de la bretelle d'insertion. Donc patience, bien entendu, vous qui circulez en direction de Saint-Pierre, dans votre sens, ça roule. Vous circulez avec toujours autant de problèmes sur la partie ouest route Tamarin, donc à partir de l'échangeur de l'Éperon, c'est toujours très difficile jusqu'à Cambé. Il va falloir être encore une fois patient ce matin. J'espère que ça ira, parce que vu la situation, et je pense qu'il n'y aura peut-être pas de travaux ce soir, est-ce qu'on aura la même situation lundi? Il y a de fortes chances, parce que les travaux d'enrobé sont prévus qu'en début de semaine prochaine. L'entrée ouest est quasiment terminée, en ralentissement à hauteur de la caserne Lambert. Il y a encore un peu de trafic sous le tube côté mer sur le boulevard sud. Entrée est, c'est terminé, ça roulait bien. Ici à Saint-André, il n'y a pas vraiment de problème, attention à proximité du marché, bien entendu. Là, c'est un peu plus compliqué vers l'hôtel de ville, entre l'avenue de Bourbon et l'avenue d'Île-de-France. Très bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Christophe Médica, directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, Gérard Rivière, président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, sont les invités de la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Messieurs, nous partons au standard, écoutez les auditeurs de la première. Marie de Saint-Paul, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez une question très importante pour nos invités. Oui, parce que, bon, de 85 à 86, non, jusqu'à 87, de 85 à 87, j'ai touché la CEDIC. Et puis, bon, la CEDIC ne trouve plus mes papiers, il dit, c'est impossible. Est-ce que j'aurais recours à mon ancien employeur comme j'ai travaillé dans la même boîte? Ça, c'est une question importante. Christophe Médica, directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, pour rassurer certainement Marie. Voilà, alors, d'abord, effectivement, lorsqu'il y a des difficultés pour reconstituer sa carrière, oui. Et malheureusement, à La Réunion, c'est un peu fréquent parce qu'il y a de multiples employeurs, des périodes de chômage. Là, il faut rentrer en contact avec la caisse parce que nous aussi, nous avons des archives. Et parfois, à travers ces archives, on peut retrouver des éléments de carrière que eux-mêmes, les assurés, n'ont plus. Parce que je rappelle que chaque année, nous avons des échanges informatiques avec les entreprises. En début d'année, on appelle ça la déclaration annuelle des données sociales. Donc, les entreprises nous transmettent l'ensemble des éléments sur la carrière de leurs salariés. Mais c'est vrai aussi avec le régime de chômage. C'est vrai avec les ACEDIC. Et donc, il faut à ce moment-là rassembler l'ensemble des éléments que vous avez. Et puis après, prendre un rendez-vous. Parce que là aussi, je vous le dis, nous ne recevons plus que ce rendez-vous. Parce que pour éviter des démarches multiples et des allers-retours sans cesse, on essaye aussi de préparer le rendez-vous. Donc, par téléphone, on prend contact avec l'assuré parce que nous avons ce qu'on appelle un système de gestion des carrières. Donc, nous avons des fichiers informatiques où il y a toute la carrière des assurés. Et puis, parfois, on peut, avec l'assuré, essayer de faire des recherches pour trouver des éléments pour combler ces périodes de vide qu'il y a sur la carrière. Donc, il faut... Alors, après, il y a aussi des techniques, je vous le dis, sur la carrière. Par exemple, si on voit que quelqu'un a été employé pendant une année, il lui manque l'année suivante et puis l'autre après, il est employé, mais il a ses déclarations d'impôts, et bien on va pouvoir reconstituer la carrière de ce type-là. Voilà, donc ça c'est au cas par cas. Et c'est vrai qu'aussi nous avons beaucoup de microfiches, de microfilms, où nous avons la carrière des personnes enregistrées. Parce qu'on mais moi c'est un petit peu, excusez-moi, c'est un peu urgent parce que je dois partir en vacances un mois et demi en métropole. Ma retraite prend depuis à partir du 1er juillet. La semaine prochaine, c'est ça? Vous serez à la retraite la semaine prochaine. Bon. Oui. Donc, oui. Voyez, votre cas est exactement ce que l'on essaye de prévenir. On est vraiment dedans, là. Hein. Comment dirais-je? Parce que, globalement, en moyenne, l'instruction d'un dossier prend 90 jours. Voilà. Que j'ai demandé depuis le mois de février. Bon. Et c'est mon employeur qui prend du temps. Mon employeur, c'est une grande maison. On va pas la citer, mais alors depuis le mois de février, donc elle est dans les temps. Elle a fait sa demande dans les temps. Les papiers et tout. Alors. Et... Alors après, il y a deux choses aussi, parce que le président citait le décret d'août 2015. De toute façon, lorsqu'on a fait sa demande de retraite dans les temps, oui. C'est-à-dire, nous, on demande 6 mois. À ce moment-là, de toute façon, même si on n'a pas l'ensemble des éléments, on fera un paiement partiel. Et puis après, on va continuer d'instruire le dossier, on fera une révision et on apportera le droit complet, avec une rétroactivité. D'accord. Voilà. Donc, vous m'en rassurez. Voilà. Non, mais notre objectif. Je crois que c'est le but. Si nos invités sont là, Gérard Rivière, aussi, vous pouvez rassurer notre invité, Marie, au téléphone. Oui, évidemment. Attendez, Marie, on vous répond. Oui, Marie, rassurez-vous. Christophe Madicade vient de vous apporter la réponse qui est essentielle. C'est que on fait absolument tout ce qui est possible pour éviter la fameuse rupture de ressources qui est totalement préjudiciable. Et moi, représentant les assurés sociaux, je ne peux pas admettre qu'un assuré social qui a payé des cotisations pendant 40, 42 ans, 43 ans... J'ai 32 ans de service. 32 ans de service, ne puisse pas bénéficier de sa retraite à la date choisie, le moment venu, quoi. Bon, oui. Alors, on comprend la complexité des carrières, avec des périodes d'acédique, des pertes qui ne sont pas forcément la responsabilité de l'assuré, puisque vous dites que c'est la CEDIC qui ne retrouve pas la trace des paiements. Bon, voilà, ce sont des aléas administratifs, on va dire ça comme ça. Christophe Madica vous disait, la Caisse a des possibilités de rechercher, de compléter votre carrière, et à tout le moins, vous bénéficierez d'un paiement partiel de votre pension sur toutes les périodes qui sont déjà reconnues et validées, c'est-à-dire d'accord. L'essentiel. Et puis ensuite que vous aurez un complément. C'est l'essentiel. Les partenaires sociaux, dans les conseils d'administration, à la CGSS de La Réunion, il y a... Vous les avez rencontrés, les partenaires sociaux. J'ai rencontré les partenaires sociaux du conseil d'administration de la CGSS. Ils sont particulièrement attentifs. Ils s'inscrivent totalement dans la campagne qui a été lancée hier, parce qu'ils savent que c'est d'abord l'intérêt de l'assuré. Alors, il s'agit de modifier, d'améliorer les pratiques. Ceci étant, on passe pas d'une situation de 1 sur 5 comme ça, du jour au lendemain. Il faut du temps de l'appropriation, mais en attendant, tout est mis en œuvre pour éviter les situations de rupture. Marie, bonne retraite à vous. Merci beaucoup et merci de votre lumière. Hein. Bonnes vacances en métropole. Merci de votre lumière. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Nous retournerons au standard dans quelques secondes. Juste la question de Jocelyne qui dit, est-ce qu'il est vrai qu'on ne reçoit plus à la Sécurité sociale pour la retraite, mais seulement par téléphone, Christophe Madica? Non, on reçoit toujours à la Sécurité sociale, sauf que nous avons changé les modalités d'accueil. On demande à s'assurer d'abord pour prendre un rendez-vous de faire le 3960, parce que... 3960. 3960. Et puis après, on va fixer un rendez-vous. Mais on essaye de faire un rendez-vous utile. C'est-à-dire qu'on évite que les gens viennent 2, 3, 4 fois. Donc on va préparer ce rendez-vous avec la personne au téléphone. Comme je l'indiquais, quand quelqu'un demande sa retraite, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a des grands fichiers en métropole où il y a l'ensemble des carrières de tous les assurés. D'ailleurs, on ne le sait pas trop, mais c'est à partir de la branche vieillesse que se fait la déclaration d'impôt pré-remplie. Donc, toutes les années, nous recevons toutes les carrières de tous les assurés. Donc, c'est un fichier historique et très, très important. Et donc, nous, on va pouvoir voir directement sur nos écrans que là, il nous manque des éléments, là, il nous manque des éléments. Donc, on va demander à l'assuré de préparer son rendez-vous. Il faudrait qu'il y ait ci, il faudrait qu'il y ait ça. Est-ce que vous avez bien compris? Et lorsqu'il va se déplacer, on va essayer d'avoir un rendez-vous le plus utile possible et d'éviter le nombre de démarches. Donc, on reçoit toujours à la CGSS, mais ce rendez-vous. On évite les files d'attente, on évite l'énervement à l'accueil. Lucie qui dit au 06 92 608 335, comment faire quand on ne retrouve plus toutes ces fiches de paye? Et ça, c'est vrai. Beaucoup n'ont pas gardé leur fiche de paye. Alors, comme je le disais, parfois, nous avons, et d'ailleurs, je le sais parce que les assurés sont parfois même surpris, ils se souvenaient même pas qu'ils avaient travaillé à telle entreprise, parce que on a des fichiers, le fichier de, je crois, il date depuis 1973, il a été créé, ce fameux répertoire national de gestion des carrières, dans notre jargon, le RNCC. Et donc cette gestion des carrières, il y a toutes les carrières de 60 millions de Français qui sont gérées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et donc par la CGSS, puisque nous sommes une des caisses locales de la CNAV. Michel de Saint-Louis est avec nous au téléphone. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, bonjour à tout le monde. Donc ma question, c'est par rapport à la SPA, pour une personne donc âgée. Je voulais savoir si la personne a fait une donation, par exemple il y a 2 ans. Oui. Comment ça se passe pour une donation avec usufruit et une donation sans usufruit, dans les deux cas? Alors là, c'est bien précis, Christophe Madica, directeur général de la Sécurité sociale. C'est très précis. La SPA, alors pour... Alors, en fait, ce qu'on appelle la SPA, là, c'est l'allocation spéciale pour personnes âgées, c'est ce qu'on appellerait autrefois le minimum vieillesse. Voilà, de façon simple. Mais aujourd'hui, cette prestation s'appelle la SPA. Alors, le législateur a prévu que la SPA est récupérable sur succession au-delà d'un actif successoral de 39 000 euros. Donc, pourquoi? Parce que normalement, la loi prévoit que les descendants ont une obligation alimentaire vis-à-vis des ascendants. Lorsque la solidarité nationale se substitue à ça, il y a une récupération sur succession. Alors c'est un grand problème, je sais, à La Réunion, parce que c'était pas toujours pratiqué, on le fait avec tact et mesure. Et donc après, il faut savoir effectivement si on a fait des donations, mais je crois qu'il y a un délai. Il faut que cette donation ait lieu depuis un certain délai, donc il faut faire une étude du cas précis. Donc, alors, c'est aussi compliqué parce que il faut aussi bien préciser ça. La législation est parfois complexe. Mais je tiens à le dire parce que il faut distinguer deux minimums vieillesse. Il y a un minimum vieillesse contributif. J'ai contribué toute ma carrière et là, j'ai droit à un minimum vieillesse. Mais comme j'ai cotisé toute une carrière, ce n'est pas récupérable sur succession. Par contre, je n'ai pas cotisé toute ma carrière, il y a un minimum vieillesse, c'est de la solidarité, on se substitue aux descendants, et à ce moment-là, il y a récupération. Je le dis parce qu'il y a des gens qui nous disent, moi j'ai cotisé toute ma vie, et à quoi ça sert? Eh bien non, il y a quand même une différence. Il y a ce qu'on appelle le minimum vieillesse contributif, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai droit à un minimum, je ne récupère pas, je n'ai pas cotisé, il y a une solidarité, je récupère. Voilà, alors, c'est des notions simples. Alors après, comme je le dis aussi, nous appliquons les lois de la République. C'est le Parlement qui vote les lois, c'est pas la Sécurité sociale qui fait les lois. Alors est-ce que c'est bien, pas bien? Il m'appartient pas de me prononcer sur le sujet. Gérard Rivière. Oui, juste un mot pour abonder ce que disait Christophe Madica à l'instant. L'ASPA, le minimum vieillesse, ancienne appellation, c'est une prestation légale qui est servie donc aux personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas eu d'activité professionnelle et qui n'ont pas suffisamment de ressources. Donc c'est en fait la Sécurité sociale sert d'opérateur pour l'État. Et à ce titre, c'est pas une législation Sécurité sociale. Les partenaires sociaux ne sont pas responsables de cette législation. Par contre, les caisses de Sécurité sociale doivent impérativement veiller à la bonne application et à la récupération telle que c'est prévu par la loi. Michel, merci beaucoup pour votre réaction. Merci, à très très bientôt. Mais il faut le dire, la retraite, ce n'est pas automatique, Gérard Rivière. Ça, il faut sans cesse le dire. Oui, absolument. Ouais. Absolument. La retraite, ce n'est pas automatique. Ouais. Et y compris dans les branches professionnelles plus garanties par la sécurité de l'emploi, hein, comme la fonction publique, par exemple, il faut déposer sa retraite 6 mois à l'avance dans la fonction publique. Et pourtant, ce n'est pas compliqué de passer la retraite à la fonction publique. La question de notre auditeur, Eric de Suzanne, qui dit que j'ai une question. Je voudrais savoir si à 40 ans, c'est le bon moment de préparer sa retraite. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop en avance, en sachant... Alors, il précise bien que j'ai travaillé à l'âge de 19 ans. Voilà, c'est à 19 ans, donc à cet âge-là, qu'il a eu sa première fiche de paie. Non, alors, c'est pas trop tôt pour préparer sa retraite. C'est pas trop tôt. Alors, pourquoi? C'est tellement vrai qu'il existe des dispositifs, ce qu'on appelle chez nous le droit à l'information. Et normalement, tous les assurés, à partir de 35 ans, tous les 5 ans, vont recevoir un relevé individuel de situation. Donc c'est important parce que, et plutôt que de s'y prendre dans les 6 derniers mois, si tout au long de sa carrière on s'assure que nous gérons bien les trimestres, comme je disais, une carrière bien gérée, pour nous, une retraite vite liquidée. Donc si vous voulez, depuis à 35 ans, les assurés, tous les 5 ans, 35, 40, 45 ans, vont recevoir un relevé individuel de situation qui leur permet, voilà ce qu'on connaît de votre carrière. Donc c'est le moment, parce que vous voyez bien après, quand il faut trouver 40 ans après des pièces justificatives, ça peut être un peu compliqué. Donc il vaut mieux le faire, je dirais, au fil de l'eau. Et ce droit à l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et à 55 ans, on reçoit une EIG, évaluation indicative globale. À 55 ans, on reçoit ce document qui permet de dire, voilà l'âge à partir duquel vous aurez votre retraite complète et qui fait des simulations sur le montant de la retraite. Le président Rivière préside aussi, d'ailleurs, la structure sur le droit à la formation. On y reviendra juste après. 9h15 sur la première. Les réactions au standard 02 62 99 2000. Que nous faut-il entendre par un bon moment, donc par bon moment pour préparer sa retraite? Est-ce que vous êtes concerné? Le serez-vous dans quelques temps? Et pourquoi surtout la retraite est zappée dans, de notre mémoire? 06 92 608 335 pour toutes les réactions par SMS et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. Le syndicalisme est basé sur le clientélisme. On n'a pas de leçons à recevoir de personne. Nous sommes obligés d'aller prêter allégeance à la couronne. Bon, je rejoins un peu le syndicalisme. Est-ce que ce n'est pas une forme de prise d'otage et de chantage? L'actualité réunionnaise analysée de 12h15 à 12h45. Laissez travailler les gens pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. Direction Saint-André. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, ça devrait aller mieux dans les prochains jours là, avec l'arrivée des vacances. Bah, ça s'est déjà bien résorbé ce matin. C'était vraiment esprit vacances, hein. Donc notamment dans l'Est. Hein, il n'y avait pas de bouchon, il n'y a pas eu de bouchon ce matin pour circuler de Saint-André à Saint-Denis en dehors de ce ralentissement tout à l'heure vers 8h, 8h15. Pour aborder le chef-lieu, mais vraiment entre Gillot et le fond de mer, ce qui n'est plus l'actualité, puisque vous roulez correctement à l'entrée Est, vous roulez également correctement à l'entrée Ouest. Sauf que il y a deux choses. Il y a les travaux au niveau de l'échangeur de Cambay qui, malgré ce qui s'est passé cette nuit, donc on avait un petit peu amélioré, mais ça s'est vite dégradé puisque la circulation est toujours très très difficile. Depuis la bretelle qui sort vers l'éperon, donc on est avant l'échangeur de l'éperon. Des ralentissements également sur la route littorale, donc la route des plages entre Boucan, le Cap Laoussé et Saint-Paul. Donc circulation difficile également dans les rampes de plateau Caillou. Tout ça est très encombré jusqu'au niveau de l'échangeur de Cambay. Et c'est le passage de cette bretelle qui est difficile. Et ça sera sans doute encore le cas lundi parce que ça ne sera pas encore mis en enrobé. Et puis donc l'autre événement, c'était cet accident qui vient de se terminer en tout cas, parce qu'il y a eu un peu de nettoyage et d'absorbant à mettre en place au niveau de cette bretelle. Donc la circulation, ça y est, déjà sur le pont de la rivière Saint-Étienne, ça roule mieux, mais par contre il y a encore des bouchons entre les sables d'étang salé et le Gol. Donc soyez patients pour passer cette zone qui va se résorber assez rapidement, faut-il l'espérer. Donc voilà, encore les deux points noirs, c'est l'Ouest et pour le moment et momentanément encore entre l'étang salé et Saint-Louis. Bonne route et beaucoup de patience dans l'Ouest. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. La préparation de sa retraite jusqu'à 9h sur la première avec Christophe Malika, directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, et Gérard Rivière, président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Messieurs, on va partir au standard avec Emmanuel de Saint-Leu. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors voilà, j'avais un petit témoignage du coup. Peut-être une question. Donc voilà, ça concerne effectivement votre constat d'une personne sur cinq qui fait sa déclaration, sa demande à temps. C'est très peu, Emmanuel, hein, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Effectivement. Donc moi, du coup, ça serait plutôt de revenir là-dessus en posant une question finalement. C'est est-ce qu'il y a un courrier ou quelque chose qui se passe 6 mois avant, donc justement pour reprévenir donc l'assuré, et notamment pour des personnes qui ne voient pas, qui sont aveugles, qui sont isolées, comment ça se passe et qu'est-ce qui peut se mettre en place du coup pour permettre à ces personnes isolées, aveugles, d'avoir accès à cette fameuse information. Des personnes en situation de handicap, Emmanuel, voilà, c'est ça, bien sûr. Qui craignent aussi beaucoup pour la rupture effectivement de revenus, donc d'AAH à rien du tout, le temps que ça se bascule, la mise en place du RSA éventuellement, ouais. Ouais. Ce sont là des questions très très très importantes. Christophe Madica pour répondre à Emmanuel. Oui, alors effectivement, nous avons une politique d'accueil, une politique de service où on essaye de faire particulièrement attention aux personnes les plus fragiles. Donc nous avons développé, et c'est une initiative de La Réunion, et nous travaillons avec la CAF, parce que nous savons effectivement que à 67 ans, où il y a le taux plein, le RSA va être remplacé par la retraite. Et donc là aujourd'hui, pour ces personnes qui sont particulièrement fragiles, titulaires du RSA, titulaires de l'allocation d'adultes handicapés, nous avons une démarche avec la CAF pour aller au-devant de ces assurés. Je dis bien pour ces personnes les plus fragiles. Donc là, on a un dispositif particulier. Ainsi que, on travaille aussi avec le Pôle emploi pour les personnes qui sont en situation de chômage et qui vont passer de façon automatique, là je dirais, à la retraite. Enfin, automatique. C'est-à-dire que l'allocation va être supprimée et elle va être prise en charge après par la retraite. Mais il faut comprendre une chose. Pourquoi on dit que la retraite, c'est pas automatique? J'ai 62 ans, je ne suis pas obligé de partir à la retraite. Nous, à la caisse, on ne le sait pas. J'ai envie de travailler jusqu'à 65 ans. Je vais pas aller questionner les gens. Donc les gens, les pères des salariés, vont dire, moi, parce que j'ai commencé tard ou j'ai commencé plus tôt, vont décider de partir à la retraite à tel ou tel âge. C'est pour ça qu'il y a besoin qu'ils se manifestent. Alors, je le dis aussi parce qu'on développe d'autres services. On développe de la fonction conseiller en entreprise. Donc nous avons des chargés de mission qui démarchent les directeurs des ressources humaines des grandes entreprises et on fait de l'information collective. Nous commençons, cette année, nous avons développé l'entretien information retraite et on sollicite des personnes à 55 ans pour venir nous voir et pour les accompagner au passage à la retraite. Pourquoi je dis ça? Parce que, sans complexifier le débat, aujourd'hui, la retraite, c'est un petit peu une retraite à la carte. Je peux choisir de partir de façon anticipée parce que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Il y a des dispositions pour partir avant 62 ans. J'ai une carrière longue. Mais je décide aussi de partir à la retraite et je peux faire un cumul emploi-retraite. Je peux partir à 62 ans, j'ai pas mon taux plein, j'aurai une retraite qui va être minorée. Je peux après avoir une cessation progressive d'activité. Mais vous donnez beaucoup d'informations, mais le salarié est-il bien au courant de toutes ces infos, Christophe Madicker? C'est pour ça qu'on fait de la fonction conseil en entreprise. Donc on démarche les entreprises pour que dans le cadre des accords seniors, les entreprises, avec leur gestion de ressources humaines, proposent ce service aux salariés. Gérard Rivière, les entreprises ont un rôle important aussi. Absolument. Les entreprises ont une responsabilité. Une responsabilité sociale en la matière, ouais. Puisque les cotisations sociales sont prélevées, sont payées en partie par l'entreprise, en partie par le salarié, prélevées sur le salaire. L'entreprise est acteur de la carrière de ses salariés et l'entreprise a une responsabilité du maintien en emploi des seniors, mais aussi du passage de l'activité vers la retraite. Donc Christophe Madicker le dit, il existe du conseil en entreprise, oui. Il faut que les entreprises soient relais de cette information à destination des salariés. Ça peut passer aussi par d'autres canaux intérieurs à l'entreprise, par le comité d'entreprise parfois, par la DRH tout simplement, mais il y a de multiples canaux. Et pourquoi pas, quelquefois, même y compris par les délégués syndicaux. Pourquoi ils servent à ça aussi. Pourquoi pas. Emmanuel, on a répondu à votre question? Oui, merci. Merci à vous. Non, très, très bientôt. Si vous voulez bien, attendez. Juste en complément de la question d'Emmanuel, Christophe Madicker va compléter, parce que je m'en excuse par avance, mais la CGSS a passé une convention avec une association pour aider les personnes en difficulté avec la lecture, avec l'écriture, avec les personnes malvoyantes, pour les accompagner dans leur démarche. Et je laisse Christophe Madicker préciser, parce que je suis désolé, je ne me souviens plus du nom de l'association et je voudrais bien qu'on la cite. Christophe Madicker. Oui, alors effectivement, nous avons conventionné avec la REP, l'Association Réunionnaise d'Éducation Populaire. Oui. Et si vous voulez, lorsqu'on à notre accueil, nous avons des gens où on détecte des fragilités, notamment des difficultés avec la lecture, l'écriture. De façon extrêmement discrète, on propose à ces personnes un service qui est délivré par cette association pour les accompagner, pour les rendre plus autonomes, pour leur rendre leur dignité. Et donc, ça marche très bien. Hein, on a commencé là depuis quelques mois. Et d'ailleurs, c'est une action coordonnée avec la CAF, parce que je rappelle aussi que à La Réunion, il y a nos amis de la CAF. Et on subventionne de façon importante cette association pour permettre d'accompagner les personnes les plus en difficulté. Et puis, comme je le dis, moi, cette action est fortement soutenue par le conseil d'administration, je dirais, permet de rendre de la dignité aux personnes. Par exemple, les gens qui ne savent pas lire, on sait qu'au bout d'un certain nombre d'heures de formation, on les rend autonomes sur nos bonnes multiservices, elles sont capables d'obtenir une attestation toutes seules. C'est quand même assez remarquable. Emmanuel, merci beaucoup. Merci. revoir. À bientôt sur la première. Marie de Saint-Paul est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Moi, ma petite question, moi j'ai 55 ans et j'ai rien reçu de papier. J'ai entendu qu'on à 55 ans, on doit recevoir un papier. Mais alors, quel est ce papier, Marie? ce papier. Le récapitulatif du travail qu'on a travaillé. Mais oui, mais alors, mais j'ai l'impression que ce papier est très important pour vous, Marie. Oui. Oui. Gérard Rivière. Alors, Marie, oui, si vous avez 55 ans en 2016, c'est oui, le cas? Oui. Alors, vous avez dû recevoir ce papier, ou c'est plutôt, je dirais, cette liasse de papier, puisque vous avez une feuille par régime. Alors, si vous êtes salarié du régime général, de cotisant à la CGSS, vous avez aussi une feuille complémentaire pour la retraite complémentaire ARCO. Donc cette liasse, vous avez dû la recevoir à 50 ans déjà. Non, j'ai rien reçu. Bon, écoutez, alors, alors 55 ans, vous avez 55 ans cette année, rien n'est perdu, ne vous inquiétez pas, les envois se font à l'automne, c'est-à-dire au mois d'octobre à peu près. Au mois d'octobre. Voilà. Oui. Si vous ne receviez pas l'ensemble de ces documents, oui, je pense que vous pouvez, j'espère, Christophe Mandica me regarde, j'espère ne pas commettre d'impair, mais je pense que vous pourrez vous adresser au 3960 et obtenir et faire la démarche nécessaire avec votre numéro de sécurité sociale, etc., l'ensemble de vos coordonnées d'assuré social, et vous pourrez obtenir communication de ces informations. Christophe Mandica. Un petit complément aussi. Il faut savoir que le régime général propose aussi un service télématique qui s'appelle un site internet qui s'appelle l'assurance-retraite.fr et vous vous connectez, vous vous inscrivez, vous recevez un code confidentiel, provisoire, que vous pouvez changer et après vous avez accès en temps réel à votre carrière. Donc, oui, mais si on n'a pas Internet, comme moi, j'ai pas Internet. Alors à ce moment-là, c'est vrai aussi que dans nos accueils, parce que si on ne reçoit que ce rendez-vous, nous développons dans nos accueils ce qu'on appelle un espace libre-service. Et on met à disposition de nos assurés les dispositifs informatiques pour créer un compte pour se connecter. Sinon, il y a effectivement le 3960. Et je pense que si l'envoi a lieu à l'automne, si à la fin de l'année, vous n'avez pas ce qu'on appelle dans notre jargon l'EIG, l'estimation informatique globale, eh bien, il faudra prendre contact avec nous pour qu'on mette à jour nos fichiers. D'accord, Marie? D'accord. Et ma petite question, parce que j'entends les gens dire, parce que moi je travaille, hein, j'ai le SMIG. Oui. On dit, mais toi, tu vas avoir à la retraite... même retraite que quelqu'un qui travaille pas. Est-ce que c'est vrai? Alors, est-ce que c'est de l'info, c'est de l'intox? Christophe Mandica. Oh, pardon. Allez-y, prenez la parole, allez-y. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez des gens qui partent à la retraite, il y en a qui ont travaillé toute une carrière, et eux, ils vont avoir un minimum vieillesse qui n'est pas récupérable sur succession. Par contre, vous avez ce qu'on a dit, le minimum vieillesse, quand vous n'avez pas travaillé, qui va être récupérable sur succession. C'est déjà une différence significative. Mais il est vrai que vous avez un certain nombre de minima sociaux, et que l'on soit, retraité par retraité, la France, globalement, dans son système de protection sociale, a mis des minima sociaux pour que, tout le monde, et que c'est quand même vraiment des minima, puisse survivre. Voilà. Gérard, eh bien oui, pour compléter, oui. Voilà. Sans être absolument précis dans le chiffrage, parce que tout dépend de l'ensemble de votre carrière, le calcul de la pension du régime général de la CGSS est calculé sur les 25 meilleures années de salaire, plus la retraite complémentaire. Mais une carrière au SMIC, en gros, ça procure une pension aux alentours de 1000 euros. Brut. Ah, 2000 euros. Aux alentours de 1000 euros brut. Alors que le minimum vieillesse, c'est 680 euros. Et ces 680 euros qui seront servis sont récupérables, comme le disait Christophe Mandica tout à l'heure, récupérables sur succession. Ah oui, parce que moi j'ai travaillé plus de 25 années, un petit peu plus de SMIG. Hein. Il y a des mois un peu plus, il y a des mois non. Oui, mais votre retraite sera calculée sur les 25 meilleures années. On fait la moyenne, on fait le salaire moyen des 25 meilleures années et on calcule la pension à partir de ce montant moyen. D'accord. Voilà Marie. Ok. Merci à vous. Merci. Bon courage, à très bientôt. Je rappelle que jusqu'au 10 juillet, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion lance cette campagne de communication pour encourager les futurs retraités de l'île à adopter les bonnes pratiques en matière de préparation à la retraite. Le slogan, donc, c'est « La retraite, c'est comme un bon carré, il faut préparer à l'île ». Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première. Christophe Madika, directeur général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, et Gérard Rivière, président de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. À très bientôt sur la première. Merci. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Grouillet. Échangeur des Jacques, ciel complètement dégagé, la circulation ici, oui, ça se passe bien, les deux points noirs. Alors il reste encore un peu de ralentissement entre l'étang Salé, après le gouffre de l'étang Salé. Ça ralentit avant la station et jusqu'au Gol à peu près. Donc circulation encore un peu ralentie, ça va se résorber puisque ça fait suite à cet accident de à cette collision de trois voitures tout à l'heure. Et puis le point noir c'est l'ouest, hein, donc pour venir sur Saint-Denis, pour aller vers le port, en tout cas vers l'échangeur de Cambé, depuis l'échangeur de Lépron. La circulation très très difficile encore une fois pour passer ce secteur de Saint-Paul. Faudra être patient encore ce matin parce que ça va durer encore une bonne partie de la matinée. Si c'est comme hier, c'était pas avant la fin de la matinée que ça s'est résorbé totalement. Donc patience, l'entrée ouest en fait ça roule correctement. Juste une précision, attention, les travaux donc sur la route du Bonnet ne reprendront que lundi soir. Donc il y a une zone de rainurage sur cette partie de route au-dessus de la clinique Sainte-Clotilde. Soyez prudents et patients. Très bonne route avec la première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il est 9h01 sur la première, le journal de France Info. Voilà, c'est parti, le journal, c'est Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Un grand titre ce matin, forcément dans l'actualité, un seul, la fin du suspense à Londres. Brexit, le référendum a rendu son verdict, le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, le score est moins serré qu'annoncé, 52-48, la fin d'une époque. Une nouvelle page va s'écrire dans l'histoire de l'Union Européenne qui perd son accent britannique et une nouvelle page aussi au Royaume-Uni. C'est ce qu'espère en tout cas ce partisan du Brexit. C'était cette nuit au centre de dépouillement de Birmingham. Tout sourire. C'est une très belle surprise. Ces derniers jours, on pensait qu'on allait être battu de justesse par le camp de ceux qui voulaient rester dans l'Union. Mais c'est une nouvelle extraordinaire, un jour historique. Ce que ça veut dire pour le futur, c'est qu'on peut maintenant gérer nos propres affaires. On peut faire du commerce partout dans le monde. On peut construire nos propres relations commerciales. On peut apprendre à gérer nos frontières et faire fonctionner nos propres lois de nouveau. Je pense que tout le monde réalise qu'il va y avoir de gigantesques changements politiques dans ce pays. C'est très peu probable que M. Cameron puisse rester à son poste. Ça montre aussi qu'il y a une gigantesque déconnexion en ce moment entre les députés et le peuple. Les choses doivent changer et maintenant, elles vont changer. Et il est optimiste, ce partisan du Brexit, alors qu'hier soir encore, le camp du maintien était plutôt optimiste. On retrouve en direct de Londres l'un des envoyés spéciaux de France Info, Nicolas Théard. Divine surprise donc, Nicolas. Là, ce matin, pour ceux qui voulaient partir, le réveil d'autant plus douloureux pour ceux qui voulaient rester. La gueule de bois, hein, très clairement, c'est une véritable claque, un choc pour le camp du maintien qui n'a ce matin que ses yeux pour pleurer, Jean-Christophe. Les larmes, les sanglots dans la voix, on les entendait d'ailleurs ce matin chez Denis McShane, un ancien ministre de Tony Blair, l'un des rares qui depuis quelques mois dans le camp du maintien, justement, considérait véritablement cette menace d'une sortie, la prenait au sérieux chez lui, comme chez certains militants. Il y a deux sentiments ce matin, l'abattement après ce résultat découvert, vous le disiez, au saut du lit, et puis la honte de voir leur pays quitter l'Europe, certes aller aussi, et c'est le sentiment qu'il nous donne, aller à contresens de l'histoire. La gifle, elle frappe ce matin tous ceux qui portaient cette campagne du maintien, à commencer par David Cameron, un premier ministre en première ligne après se camoufler et dont les jours sont déjà clairement comptés. Nicolas Taillard en direct de Londres pour France Info. Le Royaume-Uni a été suspendu aux résultats toute la nuit, à Londres bien sûr, mais aussi en Écosse. L'Écosse qui, elle, a massivement voté pour le maintien. On est en direct de Glasgow avec un autre des envoyés spéciaux de France Info, Jérôme Jadot. Et ce matin, Jérôme, avec la victoire du Leave, de la sortie de l'Union, c'est donc la douche froide, pour ne pas dire évidemment la douche écossaise du côté de Glasgow. Ouais, ici on est totalement abasourdi. Les militants de Scotland Stronger in Europe avec lesquels j'ai passé la nuit ne s'attendaient absolument pas, mais absolument pas à ce scénario. Quand la BBC a annoncé peu avant 6h que le Remain ne pourrait plus remonter son retard sur le Leave, on s'est pris la tête dans les mains, les larmes ont coulé sur les joues et plus un mot n'a été prononcé pendant plusieurs minutes. Jenny, 34 ans, est membre du parti Labour. Je suis dévastée. C'est la pire chose qui soit jamais arrivée au pays et à ma génération. C'est bien pire que de perdre une élection parce qu'après, on peut se battre pour essayer de gagner la suivante. Là, c'est un changement pour ce pays, pour tous les pays d'Europe et pour plusieurs décennies. C'est vraiment bouleversant. Un énorme choc pour ces pro-européens. Certains ont travaillé à Bruxelles. Il y a ici aussi des enseignants, des retraités, des étudiants convaincus que l'Europe est un plus, que l'Europe est une chance, et qui sont en train de s'en voir tirer dehors contre leur gré, puisque vous le disiez, l'Écosse a, elle, voté assez largement pour le maintien à 62%, un décalage qui ne sera pas sans conséquence aux yeux de Stephen. Il est militant du SNP, le parti indépendantiste. L'Écosse a toujours montré qu'elle était différente de l'Angleterre, qu'elle a l'esprit indépendant. On a toujours été plus ouvert sur le monde, plus européen, plus international, et ça renforce encore cela. Et les chemins de l'Écosse et de l'Angleterre, si ce n'est pas tout de suite, au moins à moyen ou à long terme, devront se séparer. D'autres s'inquiètent ici du sort des Européens qui habitent en Écosse. Il faudra négocier pour les préserver, pour préserver leur statut, entend-on. Mais le problème, c'est que le camp du Brexit n'a aucun plan pour la suite. Peste un participant. La suite, dit-il, c'est tout simplement le chaos. Jérôme Jadot en direct de Glasgow pour France Info. On a suivi ça de près aussi sur les places financières en Asie. La livre est à son plus bas depuis 30 ans et parmi les premières réactions politiques au Brexit, il y a donc ces responsables écossais qui brandissent à nouveau la menace de mener l'Écosse à l'indépendance. Et l'onde de choc touche même l'Irlande où le Sinn Féin, le parti républicain actif dans les deux Irlandes, vient ce matin d'appeler déjà à un référendum sur une Irlande unifiée. On est en édition spéciale, bien sûr, sur France Info à 7h06. Un mot du reste de l'actualité, Jean-Christophe. On commence avec le saccage du siège national de la CFDT hier soir. Plusieurs dizaines, sans doute une centaine de personnes, le visage masqué, ont lancé des pièces métalliques du mobilier urbain sur la façade vitrée. Ces 10 derniers jours, des locaux du syndicat réformateur avaient déjà été pris pour cible à Toulouse, Limoges et Caen. À chaque fois le même tag, CFDT, c'est fini de trahir la CFDT, soutenant la loi travail dans sa version remaniée. Commentaire du leader de la CGT, de la CFDT plutôt, Laurent Berger. Cette attaque violente, c'est un coup direct porté à la démocratie. Merci beaucoup Jean-Christophe Martin pour le journal 7h07. France Info, 6h-9h, Fabienne Sintès. Retourner à Londres où on a dit bye bye à l'Union Européenne. L'œil sur le ciel, tiens, chez nous. France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain. L'info revient à 10h. Allô Première, Claude Montanet. Quand soleil, il lève sur mon pays, la montagne, il bout de salée. est jolie. Les oiseaux y chantent, la vie y commence. La forêt y rentre dans la danse. La rosée y perle des six chiens dents. Plus jolie qu'un grand tapis diamant. D'un bord en bas, papa les vantards à la Réunion. N'y raconte pas histoire. Moi la paix pour demain. Si nous fait pas rien. La Réunion, mon pays, un enfer, l'y devient. La nature, ça la vie. Faut nous songe à l'y bien. Si nous voulons continuer. Les jours se suivent et se ressemblent, et oui, nous avons quasi le même temps qu'hier, nuageux dans la région, du mieux en avançant doucement dans cette journée, surtout dans cette région ouest avec des nuages très tôt ce matin. Et puis alors ailleurs, le temps reste bien ensoleillé, et puis au cours de l'après-midi, nuages sur les pentes et ciel dégagé sur les côtes ouest et sud. Bam bam, tiki-kiki, bam bam. Bonjour mon cas, je suis comme un trou aussi. Bon ben les amis, c'est Claudio, midi dans notre rendez-vous, tous les samedis. Allez là. 9h midi, point bon, l'ambiance. Africa, Africa, wow. En plus, on aura les petites annonces, plein de jolis cadeaux à gagner. Ok. Il fait plaisir à voir à vous préparer un bon carré, mon chéri. Oui, un carré, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Les pas automatiques? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, vous serez sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960. Et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Première. 8h. 10h. Allô Première, Claude Montanet. Le don d'organes est au cœur de votre émission de service Les Experts. Mercredi 22, c'était la journée nationale. Est-ce que le sujet vous interpelle? Le don d'organes est-il tabou dans les familles? Seriez-vous d'accord de prendre une carte de donneur? Faut-il prévenir la famille? Et puis avoir une carte, est-ce que cela veut dire que vous êtes engagé et donc impossible de revenir en arrière? Quelles sont les conditions, les démarches à faire? Comment surtout en parler en famille? Jusqu'à 10h, vous avez la parole sur la première 02 62 80 19-2000 par SMS au 06-92-608-335. Les experts de Réunion Première, 02-62-99-2000. Réunion Première. Voilà, prenez le temps de composer ce numéro de téléphone 02-62-99-2000. Venez en parler avec les experts sur la première. Avenir sur la première. 8h. 10h. Allô Première, Claude Montanet. Le don d'organes dans votre émission de service Les Experts. Et ce matin, ce sont des expertes que nous recevons dans le studio. Brigitte Gréau, Clémence Payette, bonjour. Bonjour Claude, bonjour les auditeurs. Merci d'être avec nous sur la première. Vous êtes toutes les deux infirmières au CHU Félix Guyon. Alors ce mercredi, c'était la journée nationale du don d'organes et vous avez mené une petite journée d'information, de sensibilisation auprès du public puisque cela s'est fait dans les locaux de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Est-ce qu'on peut faire un bilan, Clémence Payette, de cette journée d'action ? Oui, bien sûr. Et surtout d'information, de sensibilisation. Oui, bien sûr. Donc, pour rappeler, le mercredi 22 juin, ça a été la 16e journée nationale de réflexion sur le don d'organes, sur la greffe et la reconnaissance aux donneurs. Et effectivement, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, qui est donc sensible à l'importance de faire connaître au plus grand nombre de personnes la possibilité du don d'organes. Ouais. Donc, la CGSS est associée au CHU pour nous recevoir notre équipe, l'équipe de la coordination des prélèvements d'organes et de tissus du CHU de Belle-Pierre. Et je précise également que dans le Sud, la même opération a été réalisée donc par l'équipe de coordination du CHU de Saint-Pierre. Ouais. Et donc, toute la journée, nous avons été présents avec un médecin qui s'occupe également du don d'organes. Et nous avons pu informer donc, les assurés qui venaient donc, en visite et en même temps les agents qui travaillent à la Sécurité sociale. Brigitte Créau, le public est venu. Les gens sont venus à votre rencontre, on a discuté, on a parlé. Mais j'imagine que certains ont préféré aussi zapper peut-être ce moment-là, non ? Parce qu'on n'en parle pas. Oui, peut-être. On ne souhaite pas en parler. Oui, mais en fait, notre intérêt était effectivement aller au devant du public. Donc, il y avait vraiment une démarche d'interpellation. Et lorsqu'on rencontrait les gens et qu'on allait au devant d'eux, il est vrai que la discussion s'engageait très facilement au final. Et voilà. Donc, chacun était invité surtout à se positionner et à en parler en famille. Il n'y avait pas une décision à prendre de suite, c'était vraiment y réfléchir et réfléchir au combien en fait le sujet est important. C'est un véritable sujet de santé publique. Les questions qui revenaient, surtout lesquelles ? Les questions que les gens se posent vraiment. Les questions que les gens se posent, c'est les questions par rapport en fait à la loi, à l'existence de cette loi, une loi qui est fort ignorée en fait. Ouais. Voilà, la loi en fait du consentement présumé. Toute personne donc qui est présumée consentante au don, dès lors qu'elle ne s'est pas exprimée, dès lors qu'elle n'est pas exprimé son refus. Voilà, il est important que les gens l'entendent. Et puis d'autres qui ne prenaient même pas le temps de venir en parler parce que c'est un peu tabou aussi, Clémence Payette. Alors, c'est tabou parce que, en fait, parler du don d'organes, c'est parler de la mort. Et donc, parler de sa mort. Ouais. Les gens, beaucoup, je dirais pas la majorité, mais beaucoup, préfèrent ignorer ce sujet et ne pas la préparer. Donc, après, c'est sûr que nous, notre message, il est clair. Cette année, l'Agence de la biomédecine a essayé de faire prendre conscience aux personnes en disant le don d'organes, tous concernés. Vous êtes donneur, sauf si vous dites que vous ne voulez pas être donneur. Oui. Donc c'est pour cette raison que Brigitte précisait bien que la loi dit nous sommes en consentement présumé, mais nous avons la possibilité de nous inscrire sur le registre national de refus si on n'est pas donneur. Voilà, c'est ce que la loi dit. Et effectivement, le message est si on n'est pas donneur, il faut le dire, sinon on est en consentement présumé. Et les gens l'entendent bien. Les gens l'entendent bien. Nous avons pu effectivement interpeller plus de 250 personnes puisque nous avons donné des cartes de donneurs et des guides d'information, mais ça restera toujours insuffisant parce que la population doit connaître encore plus, et encore un grand merci Claude de nous interpeller aujourd'hui pour pouvoir communiquer, mais c'est vrai qu'il faut, il faut en parler encore plus. Alors est-ce qu'il faut aussi prévenir la famille ? Ça c'est important. Faut-il prévenir la famille si on a pris sa carte de donneur ? Tout à fait, il est très, très important en fait d'en discuter en famille et de donner sa position à la famille. Parce qu'il est vrai que le poids de la famille, et ô combien on le sait à La Réunion, voilà, joue un rôle très important, surtout lorsque la personne est hospitalisée, lorsque la personne décède, la famille est bien présente à l'hôpital. Et il est vrai que c'est la famille que nous rencontrons. Il est important donc d'exprimer son oui à la famille, il est important aussi d'exprimer son non. Il est important, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que l'on cherche à savoir, c'est la volonté du défunt et non pas en fait la volonté de la famille. De la famille. Ouais. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que la famille est présente et que la famille a finalement une décision finale à prendre. Et cette décision finale, ouais, ce n'est que passer donc à l'acte qui est un acte chirurgical, un acte de prélèvement. Et pour que cet acte de prélèvement se passe, passe en toute sérénité, en accord avec tout le monde, en accord avec la volonté propre du défunt qui sera effectivement exprimée. Voilà, l'acte de don devient un acte fort et un acte de vie. Les expertes sur la première, Brigitte Gréau, Clémence Payette, qui sont des infirmières, ce sont des infirmières du CHU Félix Guyon, sont avec nous jusqu'à 10h sur la première. Les questions au 02 62 99 2000 pour aussi les témoignages. Vous pouvez nous en laisser parfois aussi des questions par SMS au 06 92 608 335. Est-ce que ce sujet du don d'organes vous interpelle? Faut-il prévenir la famille? On va revenir aussi sur ce sujet qui peut paraître tabou dans les familles. Et puis alors avoir une carte de donneur, est-ce que cela veut dire que vous êtes engagé et donc impossible de revenir en arrière? On en parle sur la première, c'est juste après Chris Brown sur la première. Just my body. Don't know your name, but I guess I really don't care. I probably should wait, but I wanna let you go there. I wanna try something new all night. I wanna try something new all night. I wanna try something. Oh, oh, I wanna try it all night. I see that look in your eyes, I feel the same. Yeah, yeah. Kiss your lips, girl, when we kiss. Why don't we handle this? Girl, you know I need some affection. Yeah, girl. Don't look at me, but I guess I really don't care. I probably should wait, but I wanna let you go there. I wanna try something new. Brigitte Gréau et Clémence Payette, les expertes sur la première, infirmière donc au CHU Félix Guyon, et puis le sujet de l'émission, c'est le don d'organes, on en parle sur la première. 8h, 10h, Allô Première, Claude Montané. Nous partons au standard, Ariel est avec nous. Bonjour Ariel. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, ça va, vous allez bien? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, il me semble que vous étiez présente, vous, mercredi, pour la journée d'information, de sensibilisation sur le don d'organes. Ça s'est passé à la Sécurité sociale, c'est ça, hein? Tout à fait, Tout à fait. Et pourquoi Ariel, vous avez tenu à être présente? Écoutez, ça fait 8 ans que je suis greffée, que j'ai pu bénéficier d'un rein. Oui. Et en fait, je pense depuis quelques années qu'il fallait que je témoigne parce que c'est vraiment un acte qui a révolutionné ma vie. Et je pense que c'est aussi un acte d'amour. Puisque vous avez envie de partager cette expérience, l'expérience avec donc évidemment les infirmières du CHU Félix Guyon, mais aussi avec le public qui se pose des questions sur le don d'organes. Avec le public, je pense que les infirmières aussi bien sûr, puisque c'est une aventure qui dure depuis quelques années déjà. Ouais. Et je crois que oui, c'est important de témoigner avec le public. Pour qu'ils sachent que c'est important de donner. Ouais. Ça fait 9 ans que vous avez été greffée, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et votre vie a changé. Alors, mais juste avant cette opération, des années bien avant, le don d'organes, c'est quelque chose qui vous parlait à vous, Ariel, ou pas? Écoutez, pas tant que ça. Hein, pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, après, j'avais vu l'émission aussi de Richard Berry. Ça s'est passé juste avant. Qui n'a pas entendu parler de Richard Berry, oui. Voilà, c'est tout. Mais sinon, vous savez, quand on n'est pas concerné, quand un membre de sa famille n'est pas concerné, c'est vrai qu'on se dit bon, ça arrive qu'aux autres. Hein. mais voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Donc, il faut y penser. Et il faut se dire que ça sauve des vies. Non. Pas seulement moi j'ai pu bénéficier d'un rein, mais aussi il faut aussi accepter de donner d'autres organes qui peuvent sauver plusieurs vies d'ailleurs. Ouais. Mais vous comprenez aussi parfois, et on en parlait avec Clémence Payette et Brigitte Gréau tout à l'heure, c'est que c'est un sujet qui est un peu difficile à mettre sur la table comme ça au sein de la famille, non? C'est un peu compliqué de parler de ça. Comme je disais une fois à un journaliste, c'est plus facile de demander quelques euros que un rein, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, on a fait un conseil de famille. Et effectivement, ma sœur s'était proposée pour donner. Mais mon père a jugé que c'était plus logique que ça soit lui. Vu que ma sœur pouvait en avoir besoin aussi pour ses enfants. Là, elle a 2 filles. Donc, dans l'ordre des choses, c'était plus logique que papa donne son rein. Bon, et puis, c'est important ce que vous êtes en train de dire là, parce que ça interpelle et ça va susciter forcément des réactions. C'est qu'il y a eu au départ un conseil de famille. Restez avec nous, s'il vous plaît. Brigitte Créau, oui. Clémence Payette, vous avez entendu ce qu'elle disait à l'instant. On en parle en famille. Oui, voilà. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'on essaie de toucher le grand public par nos actions de sensibilisation. Et c'est vrai qu'à la suite donc de cette journée de mercredi, le jeudi, quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai entendu dire « Ah oui, on a vu à la télé. » Et puis tout de suite, on en a parlé au repas. On était tous à table et on en a parlé. Et donc oui, ça suscite des réflexions, ça suscite une prise de décision le soir même. Et je crois que ce sont des moments très forts et qu'il faut renouveler tout au long de l'année si on veut toucher le maximum de personnes. Brigitte Gréau. Oui. Sur cette notion de partage, en parler avec la famille, réunir les membres, les frères, les sœurs, le papa, la maman, il faut en parler. Oui, il faut mobiliser, oui, comme tu dis Ariel, voilà, il est important vraiment que la famille en fait soit présente, que ce soit quelque chose de réfléchi, comme on dit. Je répète encore, en fait, on a la famille à la réunion, je veux dire, est très très importante, très très présente. Voilà, maintenant au sein même de la famille, on peut avoir des opinions complètement différentes. C'est important aussi. C'est important surtout de les exprimer et il est important en fait de respecter en fait le choix de chacun. Et on peut respecter le choix de chacun si on est au courant du choix de chacun. Ariel, donc ce conseil de famille s'est déroulé, ça s'est bien passé. Et c'est là que en fait le choix se porte sur le père. Enfin, c'est lui qui décide. Et en fait, les choses sont faites après tout à fait naturellement. Et en fait, je trouve que après, on culpabilise pas, on culpabilise beaucoup moins en tant que receveur. Ouais, ouais. Et parce que on voit bien que déjà il y a beaucoup de d'amour puisque ça se fait spontanément et puis il y a un dialogue et puis je pense qu'après on accepte beaucoup plus. Moi je ne me suis pas posé de questions après, c'est-à-dire que j'ai accepté qu'on me donne parce que c'est pas toujours évident aussi d'accepter qu'on vous donne. Ouais. C'est pas aussi facile qu'on croit. Oui, oui, oui. Mais dans certaines circonstances, comme vous dites, quand il y a un conseil de famille, quand on en parle, quand on met les choses sur la table, ben ça dénoue beaucoup de choses, ça délie les langues et du coup, c'est vrai que après ça se fait naturellement, quoi. Et aujourd'hui, vous en parlez facilement comme ça auprès des autres. Vous donnez de votre temps aussi. Ah oui, non, mais je donne du temps, je fais même, j'interviens même dans certaines associations pour sensibiliser les gens, être à leur écoute, et puis écouter aussi les questions qu'ils me posent, parce que leurs problématiques ne sont pas forcément les mêmes que les miennes, donc j'aime avoir des échanges avec les gens qui se retrouvent dans la position d'attente aussi. Oui, oui. Voilà. Donc j'essaye aussi de leur apporter un soutien, un témoignage, je sais pas, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Ariel. Oui, merci, ça nous touche profondément, oui, n'est-ce pas, mais, Clémence oui, Payette oui. Ouais. Oui, tout à fait, merci beaucoup, Ariel. C'est sûr que ces témoignages de personnes qui disent « ben moi, on m'a donné, ma vie a changé », il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en attente d'une greffe, il y a beaucoup de malades. À La Réunion, plus de 350, environ 350 personnes sont dialysées et sont en attente d'une greffe. Voilà. Et on peut dire que... Je pourrais ajouter quelque Ariel, chose. Oui, bien sûr. Je voulais rajouter quelque chose, c'est que il faut savoir aussi que quand on en parle dans la famille, il y a aussi quelque chose que j'ai eu la chance de ne pas subir, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à attendre cette longue attente. Du fait que j'avais un rein, on va dire, qui m'attendait, j'ai pas été angoissée par l'attente. Et en fait, c'est ça aussi qui est important. C'est que vous êtes comme c'est un sauveur, quoi, la personne qui vous donne le rein, puisque vous avez pas l'attente, vous avez pas la dialyse. Donc c'est vraiment une nouvelle vie, quoi, qui attend l'autre. C'est vraiment ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que toutes les personnes qui attendent ont aussi cette angoisse aussi, savoir s'ils vont bénéficier d'un rein. Donc si on le fait dans la famille, c'est vrai, déjà la greffe est censée mieux prendre, a plus de chances de réussir déjà, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas cette longue attente. Profitez de votre nouvelle vie alors. Voilà, merci. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Bonne journée. Très bientôt. Le don d'organes est au cœur de l'émission Allo Première. 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335. Clémence Payette et Brigitte Gréau sont avec nous. Ce sont les infirmières du CHU Félix Cuillon. Une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire. même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Je sais, il est tard. Juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure. Un peu de nous, un lien. Retour de Céline Dion à l'instant sur la première, encore un soir. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. La question de David par SMS au 06 92 608 335 pour les dons d'organes. Alors il pose cette question suivante. Est-ce que je peux donner donc mes organes en priorité à ma famille? Voilà une réponse s'il vous plaît pour notre auditeur. David, alors oui, Brigitte Gréau et Clémence Payette. Oui, alors tout à fait, c'est une question qui revient bien souvent. Alors on vient d'entendre tout à l'heure donc le témoignage d'Ariel. Effectivement, c'était le don du vivant. Alors sur le don du vivant, effectivement, on peut donner. D'accord. En fait, notamment donc le rein, effectivement, à son proche. Voilà. Maintenant, il existe en fait donc le don post-mortem, donc le don d'organes donc sur une personne décédée donc en mort encéphalique et qui repose en fait sur un principe, le principe de gratuité. Le principe de gratuité qui va nous ramener en fait à la solidarité, une solidarité nationale. Voilà, donc en fait, dans notre système français, on a la chance d'avoir un système donc de santé qui ouvre les droits, les mêmes droits à tout le monde. Voilà, donc nous partons sur ce principe que le don d'organes est un acte solidaire, un acte anonyme, donc qui va se faire dans l'anonymat et par un principe de répartition. Donc il y a un échange dans interrégion en fait, un système de répartition, puisque on sait très bien que tout le monde donc est différent, donc il y a une compatibilité en fait qui va être mise en jeu en fait, qui se pose. Donc je peux très bien être donneuse, voilà, et avoir mon receveur dans une région de métropole, et à ce moment-là mon rein va partir sur la métropole, voilà, comme nous avons la chance de recevoir des reins de métropole. Alors une question, si on peut rappeler, qu'est-ce que le consentement présumé? Ça c'est important, Clémence Payette. Alors, le consentement présumé, s'applique, c'est un principe de la loi Cavaillé depuis donc 1976, et qui dit que toute personne est considérée comme consentante au don d'organes et de tissus après sa mort, dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de son vivant son refus. à un prélèvement. Donc, comment faire savoir son refus? Donc, soit en s'inscrivant sur le registre national de refus, soit en informant ses proches. Et c'est de là qu'on retrouve toute l'importance de la loi. C'est-à-dire que la loi dit qu'on est en consentement présumé, on est tous donneurs. Sauf, on est tous donneurs. Sauf si on s'est inscrit, si on a dit qu'on refusait. Donc inscrit sur le registre national de refus ou indiqué, ou on en a parlé à sa famille. D'accord. Et donc l'importance, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on va rechercher auprès de la famille, lorsque la personne est décédée, si cette personne avait dit non de son vivant. Sinon, on pourrait aller au prélèvement. Bon, c'est pas si facile, hein. À partir de quel âge, alors, on peut s'inscrire sur le registre national des refus? On peut s'inscrire à partir de l'âge de 13 ans. Et ceci sans l'autorisation parentale. Donc sans même avertir. L'âge de 13 ans sans l'accord des parents? Tout à fait. C'est une loi qui autorise effectivement au niveau du tribunal, les enfants qui peuvent témoigner à partir de l'âge de 13 ans. D'accord. Donc effectivement, on a ouvert cette possibilité aux enfants à partir de l'âge de 13 ans sans qu'ils avertissent leurs parents, tout en sachant que c'est quand même l'autorité parentale qui aura le dessus s'il se passe un problème au niveau de la famille, enfin un décès, quoi. Nous voulons vous retrouver au standard de la première, Annie dans un premier temps, et puis nous irons retrouver Claudine au téléphone, 02 62 99 2000. Nous sommes sur le don d'organes, donc jusqu'à 10h sur la première, avec nos expertes, et puis par SMS pour les questions, 06 92 608 335. Première. 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nos dallons la cour. Bonjour, bonjour. 10h midi. Radio Novella, le cinéma, les bons plans, Song Story, la matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. Première. 8h. 10h. Allô première. Claude Montanet. Brigitte Gréaux, Clémence Payette, les infirmières du CHU Félix Guyon qui sont avec nous jusqu'à 10h. Annie est au téléphone. Bonjour Annie. Et bonjour Claude. Bonjour. Annie de Champfleury. Oui, je voulais surtout intervenir en matière de discussion entre les parents et les enfants. Depuis très jeune, enfin, mes enfants, maintenant, ils ont 40 et 38 ans. Oui. De toujours, j'en ai parlé à mes enfants du don d'organes. Et je sais que, depuis, ils adhèrent entièrement à cet acte. Et je leur ai dit, le jour où je partirai, qu'on donne tout ce qui est bon à donner, tout ce que les médecins jugeront utile aux autres. Et pour moi, la question ne se pose pas. Je veux dire, ce sont avec mes enfants que j'ai discuté, bien sûr, avec frères et sœurs, mais l'important, ce sont mes enfants. Et ils ont compris. Et maintenant, ils adhèrent depuis toujours. Eux aussi, ils adhèrent. Voilà. Donc, l'important de discuter tout simplement, entre parents et enfants. Bien sûr, quand on a de grands enfants qui peuvent intervenir, quand on a de jeunes enfants, c'est différent. Donc, la discussion, discuter tout simplement. Ouais, et donc, les enfants. Alors, oui. Mais vous en avez discuté, d'accord, très bien. Mais alors, sur le coup, ça peut être un petit peu, je peux le dire, peut-être choqué les enfants au départ, non? Pas du tout? Ah non, pas du tout. De toute façon, j'en ai parlé à mes frères et sœurs, ils savent, quand je comprends que les médecins prennent ce qu'il y a à prendre. Voilà, je le dis avec beaucoup d'humour. Pourquoi laisser pourrir alors que ça peut servir à quelqu'un d'autre, hein. Voilà, c'est donc c'est avec humour que j'en discute. Et mes frères et sœurs savent très bien, hein, donc voilà ma décision. Clémence Payette, oui, allez-y. Oui. Merci beaucoup. Bonjour Annie. Bonjour. Et merci pour votre témoignage. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'effectivement il y a des personnes qui se sentent sensibilisées et surtout qui osent en parler. Et je voulais préciser que le travail de l'équipe de la coordination des prélèvements d'organes et de tissus de l'hôpital, c'est aussi d'informer et de sensibiliser les jeunes au niveau des collèges, au niveau des lycées. Et cette information, on demande aux jeunes bien sûr d'en parler à sa famille le soir, et essayer de faire en sorte que parler de la mort, parler de ce sujet, ce n'est pas un sujet tabou, et que effectivement, de toute façon, on meurt, ça fait partie de la vie, et que donc il faut la préparer, sa mort, pour que les personnes qui restent derrière ne soient pas en difficulté face à des problématiques de réponse, quoi. Voilà, merci beaucoup Annie. Je vous en prie, je vous écoute de l'autre côté. Et bien entendu, je tenais à dire que, comme dit Coluche, je préfère mourir de mon vivant et aller le plus tard possible. Bonne journée à vous tous. On est d'accord avec Coluche. Merci, merci beaucoup Annie. Cédric de Salazy, Cédric qui alors, nous laisse sa réaction. Il est très content d'entendre ce genre d'émission sur le don d'organes. Et puis, alors il voulait juste savoir, à titre d'information, parce qu'il n'est pas sûr d'avoir tout entendu, quel est le délai d'attente minimum pour chaque demandeur? Alors, on peut pas dire qu'il y a vraiment un délai d'attente, ouais. Hein, parce que, comme disait Brigitte tout à l'heure, il y a une répartition il y a des critères qu'il faut respecter à partir entre le donneur et le receveur. Donc, il faut une compatibilité au niveau du groupe Rhésus, une compatibilité tissulaire, il faut une approche entre l'âge, le poids, et puis d'autres critères. J'ai envie dire sur les organes et les éléments du corps humain. Donc tous ces critères sont calculés à partir d'un logiciel de l'Agence de la biomédecine, et c'est l'Agence de la biomédecine qui va donc ressortir donc la liste des personnes en fonction du donneur. Voilà. Et on ne peut vraiment pas dire si effectivement on va passer dans un an, deux ans ou trois ans, si on aura la possibilité d'être greffé, parce que on sait pas d'ailleurs de toute façon est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont décéder en état de mort encéphalique. Donc non, on peut pas répondre à cette question. On vient vous retrouver au standard de la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour, vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Oui, je vais essayer. Allez-y, allô, allô. Je suis en voiture, ça va, vous pouvez parler. Très bien, d'accord. Je ne conduis pas, je suis derrière, ça va. Ah, oh, super. Oui, bonjour Claudine. Bonjour. On est rassurés. Hein. On est rassurés. Oui, Claudine, parlez-nous de vous un instant, s'il vous plaît. Parce que vous avez une association qui est très importante, hein, qui fait un travail énorme aussi. Claudine, oui. Votre association, donc, qui s'appelle? L'Association des dialysés et greffés de La Réunion. Oui, ouais. On existe depuis 2009. Oui. Donc, on est pour le don d'organes, parce que j'ai pas mal de greffés dans mon association. Oui, oui. Et j'ai pas mal de dialysés, dont vous êtes en visite hier déjà à la SDE, qui sont déjà sur une liste d'attente. Qui sont sur une liste d'attente. Alors, vous comprenez parfois aussi quand les gens vous disent, c'est vrai que c'est difficile de parler de ce sujet-là, parce que voilà, c'est parce que quelque part il y a forcément un rapprochement avec la mort, etc. Mais vous arrivez à dédramatiser un petit peu la situation parfois? Ben, on essaie, mais de toute façon, on ne peut pas dire non tout de suite. Il faut expliquer la situation aux gens. Il faut dire clairement que c'est un sujet tabou. Oui. Et maintenant, ce n'est plus un sujet tabou, donc on peut en parler, discuter de ça tous les jours. J'ai même discuté avec ça avec un patient hier matin. On peut parler de ça tous les jours. Vous êtes d'accord, Brigitte Créaude, peut parler de ça tous les jours avec Je dirais peut-être pas tous les jours, peut-être qu'il y a des moments certainement plus favorables à la discussion, parce que ça reste quand même une décision importante à prendre. Maintenant, je pense qu'il effectivement il est plus facile d'en parler aujourd'hui, et je partage ce que disait Annie tout à l'heure, il est important d'en discuter très tôt avec ses enfants, et je pense que les enfants d'aujourd'hui comprennent davantage de choses et voient suffisamment de choses, je veux dire, à la télévision pour que le sujet soit abordé. Je veux dire, parfois, justement, c'est même abordé dans des séries télévisées. On en parle d'une façon très ouverte. Donc, à ce moment-là, on peut en parler, effectivement, très ouvertement à ses enfants en leur demandant, tiens, voilà, moi, s'il m'arrive quelque chose un jour, s'il t'arrive quelque chose, est-ce que tu serais pour, tout simplement? Et sans y mettre des mots très compliqués, en ouvrant la discussion tout simplement. Et au final, on arrive à une discussion sérieuse et avec une décision qui est prise, au bout de 5 minutes, tout simplement. Voilà, et je pense qu'après, les enfants, ils se confortent effectivement dans leur choix, ils grandissent, et il faut savoir que ce n'est pas une décision qui est définitive, c'est une décision sur laquelle on peut revenir, parce qu'on a tous des histoires de vie fort différentes et qui nous font évoluer. Donc on peut être contre aujourd'hui et avoir vécu quelque chose d'un peu plus difficile, d'un peu plus touchant, et qui nous fait avancer dans notre réflexion, et puis revenir sur un oui en se disant effectivement ça peut sauver des gens, ça peut sauver des vies. Maintenant, la décision, c'est terrible de devoir prendre la décision au moment où on est confronté à l'équipe de coordination, au moment du décès. Et c'est là-dessus qu'il est important de lutter. Okay. Voilà, il est important de lutter contre ça, puisque il est tellement plus simple de dire à une famille, voilà, aujourd'hui, il peut faire un acte de don, un acte formidable. Voilà, est-ce que vous en aviez parlé? Et lorsque la famille nous dit oui, on en a parlé, on sent que la famille est soulagée parce qu'elle se dit, voilà, j'ai pu voilà mettre en avant la décision qu'il avait prise lui et avec laquelle voilà pour laquelle la discussion avait été une discussion vraie. Donc il est important et c'est bien moins compliqué qu'on ne le pense voilà d'en parler. Claudine. Allô, allô, Claudine. Je suis toujours là, je suis toujours là. Voilà. Donc il y a combien de personnes dans votre association là alors de dialysés? J'ai à peu près 120 adhérents. D'accord. Ouais, ouais. Et j'ai à peu près 7 ou 8 qui sont déjà greffés. J'en ai même qui est greffé depuis plus de 16 ans, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on nous demande aussi, Clémence Payette, où retrouver les informations pour le public qui se sent vraiment concerné. Voilà. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, les internautes pourront trouver toutes les réponses en faisant juste un clic à leurs questions sur le site dondorgane.fr. Donc, bien sûr, l'objectif étant de répondre avec clarté et précision à toutes les questions que se pose le public. Ensuite, il existe également une page Facebook « Don d'organes, je le dis ». Si, effectivement, on veut en savoir un peu plus sur le don, sur la greffe d'organes et de tissus, il ne faut pas oublier les tissus aussi, hein, qui sont quand même très très importants, mais qui restent dans la même démarche que les organes. Et effectivement, les internautes peuvent également suivre les actualités de l'Agence de la biomédecine, donc tout ce qui concerne le don d'organes, sur le compte Twitter @agbiomédecine. Voilà. Claudine. Allô, allô. Oui. Oui, Claudine, merci d'être là, s'il vous plaît. Juste pour terminer, évidemment, donc, c'est un sujet sur lequel vous revenez très souvent avec les membres de l'association, mais vous arrivez aussi à en parler peut-être avec d'autres personnes, des amis. Mes enfants savent déjà que je suis pour le don d'organes. Les enfants sont déjà au courant, oui. Familiarisés à tout ça, donc ils sont au courant. Eux aussi, c'est pareil. Oui. Ouais. Donc la formation passe très bien auprès, au sein de la famille. Hein. Oui. Vous êtes arrivé surtout à briser un petit peu ce tabou. Je pense pouvoir arriver, mais je ne sais pas si j'ai vraiment arrivé. Ouais, mais je pense que je suis arrivé. Vous pensez. En tout cas, merci beaucoup. C'est pas facile d'assimiler tout ça. Hein. C'est pas facile. Il y a eu un rejet depuis le début et jour au lendemain, on ne peut pas accepter comme ça, quoi. Donc, on fait un travail sur soi-même, on en discute, on reparle. Dès qu'on a un petit moment, si le moment est favorable, on en discute. Oui. Mais c'est toujours en famille, quoi. C'est toujours en famille. Préservez ça, alors, c'est important. Merci, Claudine. Oui, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Claudine. Bonne journée. À bientôt. Allez, bonne journée. Juste pour terminer, pour avoir sa carte de donneur, oui, Brigitte Gréau, comment faire? Là aussi, c'est une question qui revient très souvent par SMS. Alors, pour avoir donc pour la carte de donneur. Signifie déjà la carte de donneur? La carte de donneur. Alors, la carte de donneur, justement, elle peut être très importante. Elle peut être très importante pour ouvrir la discussion avec la famille. Voilà, on peut porter sa carte de donneur comme on peut porter sa carte de groupe sur soi, près de sa carte vitale. Donc ça peut être intéressant pour une ouverture donc à la discussion. Alors il est vrai que les cartes de donneur, vous pouvez les avoir effectivement lorsqu'on est sur des actions grand public. On va souvent donc vous donner un livret d'information auquel on va vous joindre la carte de donneur en vous disant simplement écoutez, si vous voulez la remplir, voilà, ce serait chouette, voilà, mais si vous ne le faites pas, en tout cas transmettez-la à quelqu'un d'autre qui voudra éventuellement la remplir. Voilà. Alors cette carte de donneur, en fait, elle n'a pas une valeur légale. La valeur légale, c'est le oui, voilà, que je répète, le oui affirmé en famille, parce que même donc si on est tous donneurs présumé, ça il faut bien le retenir. La loi dit qu'on est tous donneurs. C'est juste avoir donc cet aval de la famille pour que tout se passe bien. La carte de donneur va juste nous permettre effectivement d'identifier les personnes, parce que cette carte de donneur comprend votre nom et 3 personnes qui pourront témoigner de votre oui. Donc ces 3 personnes pourront effectivement être reçues. Les personnes que nous aurons choisies, nous. Que vous aurez choisies, d'accord, effectivement, au sein de la famille, ou ça peut être aussi des gens proches, une amie. Voilà. Donc, c'est important. Oui, je voulais juste préciser, effectivement, vous pouvez également obtenir des cartes de donneur en nous contactant au niveau directement à l'hôpital. Donc, c'est le 02 62 90 54 04. Et donc, c'est notre poste à nous, à notre poste de travail. Et effectivement, vous nous donnez votre nom, votre adresse et on vous envoie par courrier donc la carte de donneur et un guide d'information sur le don d'organes. Et Clémence Payette, Brigitte Ogréau, les expertes ce matin sur la première, infirmière au CHU Félix Gubion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la première. Merci Claude. Très bonne journée à vous tous à La Réunion et très bonne journée à toi. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Direction Saint-André avec Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, bonjour. Bonjour Claude, bienvenue ici sur le marché forain de Saint-André, sous le soleil. Ouh, ça change, hein, ça change par rapport à hier. Il fait beau, il y a même une petite brise ici sur le marché forain de Saint-André. Allez, je vous donne l'indication hein, concernant le lieu parce que c'est un grand marché. Nous vous accueillons aujourd'hui vendredi juste à côté de la poste hein, parce qu'il y a un panier garni. On est avec Laurence, Gérard et Valérie. Alors, si vous êtes dans le secteur de Saint-André, venez nous rejoindre. Réunion Première vous offre un panier garni avec la collaboration de tous les forains et des foraines du marché forain. Le mot de passe, c'est navet jaune. Pourquoi navet jaune? Parce que Jean-Luc de la Plaine des Caves, il en a ramené ici dans l'Est et il vous en a gardé une botte. Hein. Donc, c'est dans le panier garni. Je vous présente Gérard et Valérie. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, votre spécialité, c'est le coco. Oui. T'as le lama entendu à vous dire 500 cocos en combien de temps? Une heure? Une heure, oui. Avec un couteau quand même. Ouais. Ouais. Comment il fait ça? Avec la barre. Il épluche, ça fait deux mains, quoi. Et là, c'est la saison du coco ou il y en a quoi? Il y en a deux dans le coco. Hein. Des cocotons, des cocos durs, quoi. Oui. Vous disiez que vous produisez vous-même, vous cultivez, ouais. En fait, le coco. Même, quoi. Où ça? À Saint-Tuzanne. Combien d'hectares, coco, Nena? 5 hectares. Ouais. Et en plus, alors... Le bonbon coco nature, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a le vrai bonbon coco, il y en a le faux bonbon coco. Ouais. Donc, dans un instant, sur Réunion Première, Valérie va nous donner la recette du vrai bonbon coco en direct du marché forain de Saint-André. En attendant, nous vous attendons ici avec Jean-Claude Machir, hein, qui est à mes côtés. Donc le mot de passe, si vous êtes dans le secteur, dans la voiture ou dans le bureau, venez vite nous rejoindre. Le mot de passe, c'est Navet Jaune avec Réunion Première. Bonne chance, à tout de suite. Merci Prisca, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude. C'est encore mieux en première. Oui, la dernière de la saison et on parlera du groupe The Cure tout à l'heure à 11h20 dans Song Story. Allez, un coup d'œil sur les pronostics hippiques de Pascal Maillot. Nous sommes sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix RMC avec 18 partants. Le départ sera donné ce soir, 21h47. Le montant de la tirelière, 2 600 000 euros. Alors, vous retenez l'As, le 10, le 16, 6, 5, 15, 8, 13. Et en cas de non partant, le 2, l'As, le 10, 16, 6, 5, 15... 8, 13, en cas de non partant, vous avez le 2. Et puis le quintet d'hier, il fallait trouver cette combinaison gagnante. Le 17, le 13, le 15, 4, 12, le 2. 17, 13, 15, 4, 12, 2. Le numéro plus, le 22, 15. Il est 10h sur la première voici française. Bonjour, c'est Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union Européenne, l'un de ses pays membres a donc décidé par référendum de partir. Tremblement de terre dans le Royaume britannique, la Grande-Bretagne a donc décidé de quitter l'Union Européenne. Les résultats officiels sont encore attendus, mais il est clair ce matin que c'est le camp du out qui l'emporte avec près de 52% des voix. Isabelle Labéry, vous êtes en direct de Londres, vous êtes l'envoyée spéciale de France Info. Vous avez passé la nuit avec des partisans du in, beaucoup de rebondissements et des électeurs qui sont passés par tous les sentiments. Dans les toutes premières estimations hier soir, c'est en effet le IN qui tient la corde. Rivés à leur téléphone portable, les militants europhiles voient les résultats tomber les uns après les autres en leur faveur. Newcastle. Donc Newcastle, c'est une ville très industrielle, donc on dirait qu'on gagnerait pas, mais on a gagné, donc c'est une nouvelle très importante. Au fil des heures, pourtant, le Leave prend le pas presque partout. Rachel sent le vent tourner. Si on quitte l'Union européenne, j'aurai honte de mon pays, parce que c'est pas le pays que je veux, quoi. J'aurai la honte. Donc je me suis pas super bien préparé mentalement pour le risque qu'on va partir. Et tôt ce matin, le scénario est écrit. Les militants du IN sont dévastés, incrédules. Pour Samuel, cette victoire du LIV témoigne d'une profonde fracture entre classe populaire et diplômés. C'est là vraiment où je pense aussi le Royaume-Uni lui-même doit faire quelque chose, parce qu'il y a cette classe ouvrière ici qui n'a pas accès à une bonne éducation, qui n'a pas accès à des services sociaux. Ces gens, ils ont de vrais problèmes. Et ce référendum, c'est une opportunité pour eux pour faire un cri à l'aide, de se faire entendre par les élites qui les ignorent. Et c'est dans ce pays profondément divisé que les Britanniques vont aujourd'hui devoir apprendre à vivre. Isabelle Labyrinthe en direct de Londres. On vous retrouve, Isabelle, évidemment, au cours de notre édition spéciale ce matin sur France Info. Réaction politique devant ce jour historique, réaction à l'intérieur du Royaume britannique. Tout d'abord, la Première ministre de l'Écosse a prévenu que l'Écosse voyait son avenir au sein de l'Union européenne, ce qui ouvre ainsi la porte à un nouveau référendum sur l'indépendance du pays. Réaction en Allemagne, le chef de la diplomatie allemande Frank-Walter Steinmeier parle d'une journée triste pour l'Europe et pour la Grande-Bretagne. Réaction en France, enfin, Eva Joly, députée européenne, parle elle aussi d'une journée triste sur France Info. Triste journée également pour Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères. Pour Florian Philippot, le vice-président du Front National, l'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a vécu. Avec ce référendum, il y a un retour en force du réel, c'est-à-dire des peuples. Et on voit bien que cette aventure européenne, qui était de plus en plus chaotique et qui se faisait de plus en plus contre les peuples, eh bien, au bout d'un moment, il était nécessaire de voir ce qu'en pensait la population et ce qu'elle en pense. Eh bien, c'est du mal. Et elle souhaite retrouver sa liberté, elle souhaite retrouver la capacité de s'en sortir, de se protéger, d'avancer. Et bien, ce résultat, maintenant, il doit être entendu en France. Il est nécessaire d'entendre ce Brexit et de le transformer rapidement en un débat et un référendum en France. Il y avait déjà eu des référendums, mais c'est vrai que on a rendez-vous avec l'histoire. Là, on voit bien qu'on est en train de vivre un moment absolument historique au sens premier du terme, et qu'il faut maintenant entendre les peuples. On ne peut plus continuer comme cela à avancer contre eux, malgré eux. Et je pense qu'il y aura des avancées dans les différents pays de l'Union européenne et que cette Union européenne est morte. Florian Philippot, le vice-président du Front National. Une réunion ministérielle a lieu ce matin à 9h à l'Élysée. Réunion suivie d'une prise de parole du président de la République, François Hollande. Les marchés financiers ont également réagi dès ce matin. La livre britannique est au plus bas depuis 1985. La conséquence de ce Brexit, c'est que beaucoup d'accords commerciaux deviennent caducs. Solène Lehen, vous êtes l'envoyée spéciale de France Info à la City, le quartier financier de Londres, et vous sentez une vive inquiétude chez ceux qui arrivent ce matin au travail. Oui, alors on sent vraiment dans le quartier une grande fébrilité depuis ce matin. Quand vous levez les yeux vers les immeubles, vous apercevez dans les banques de nombreux étages restés allumés toute la nuit. Depuis 4 heures ce matin, c'est un balai incessant de taxis qui déposent des financiers pressés au pied de leur immeuble. David en sort même en courant. D'habitude, j'arrive à 7h30, dit-il. Alors là, 5h, c'est un peu tôt pour moi. Il me faut un café. La livre sterling a dévissé toute la nuit. La journée va être longue à la City. Je suis sous le choc, continue David. Dans les banques, beaucoup de gens sont inquiets. Je travaille juste ici, à la Banque d'Angleterre. Alors ça va être une journée très chargée pour nous. Pour autant, ce n'est pas la panique, raconte ce banquier français. Ça, c'est des fantasmes. C'est une grosse semaine, soyons clairs, mais les gens sont préparés. Préparés néanmoins dans la journée, la City, qui pariait depuis des semaines sur un maintien dans l'UE, attend une réaction de la Banque Centrale Européenne, réaction qui permettrait de stabiliser les marchés. Et puis enfin, on l'apprend ce matin, la Banque d'Angleterre prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité monétaire et financière. Enfin, les marchés asiatiques dévissent eux aussi ce matin. La bourse de Tokyo plonge de 7,8%, celle de Hong Kong de près de 5%. Rémi Inc, pour le journal, merci beaucoup. France Info, 6h-9h, Fabienne Sintès. Et l'œil sur le ciel tout de suite, juste avant Vincent Jean. L'info revient à 11h. 10h06, de retour à La Réunion avec la météo pour aujourd'hui. Quelques nuages marquent la région de l'extrême est sur le littoral de la Côte Sauvage jusqu'à Sainte-Rose. On retrouve également de rares nuages sur l'extrême ouest vers la Possession et Saint-Denis, ainsi que sur les contreforts du relief environnant. Sur l'est du sud de la Côte Sauvage à Sainte-Rose, les nuages occupent une bande littorale et peuvent même s'étendre vers Saint-Joseph et Saint-Gilles. Quelques gouttes sont envisageables en cours d'après-midi. On attend d'ailleurs peu d'évolution en soirée sur ces régions. Le vent de de secteur est à sud-est restent modérés. Les rafales atteignent à 40 à 45 km/h sur les côtes nord et de 40 à 50 km/h sur celles du sud-ouest. Prédominance de brise toujours sur les plages de l'ouest et sur la région du port. La mer reste peu agitée au vent, au déferlement de la houle d'Alizé de sud-est, voisine des 1,50 m. Bien le bonjour à toutes et à tous en cette fin de semaine, dernière saison de C'est encore mieux en première. Sous cette version, avant la grille des vacances radio, dès lundi, nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Arrive chez vous à la case, sur la route ou au travail, Radio Novella. Je vous inviterai également au cinéma pour apprécier Penelope Cruz sur grand écran. Et puis Prisca qui vous accueille au marché forain de Saint-André aujourd'hui pour le jeu du panier garni de fruits et légumes de saison, à condition évidemment de lui donner le mot de passe du jour. D'ici là, Pixel, prie pour moi sur la première. Yeah. Oh là, on connaît qui ça il est quand on entend. La planche, je suis tenté de regarder dans le judas, sachant bien que maintenant je ne tomberai pas plus bas. Et je sais pas ce qui m'attend, j'ai du mal à savoir ce qui succédera ces nuages. Je suis trop tombé, c'est de ma faute. Mais si tu m'aimes, ne me juge pas. Tends-moi la main et je tenterai de la saisir. Crois-moi, je sais que je vous fais du mal. Mais je sais que ces choses ne durent pas. Si tu vois que j'ai du mal à réfléchir, prie pour moi, je ferai de même et ça je te le promets. Prie pour moi, au lieu de nommer la faute, s'ouvre le pied sous moi. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour lui, prie pour lui, prie pour tout, ça tu fais tout pour vivre, vivre libre. Prie pour ça, trouve à où même on connaît où ça. Moi la main ou laisse le mal attendre à moi. Ou t'es verrant à moi meilleur. Ou fait déchirer mon cœur. Prie pour moi. Au lieu de nommer la force, ouvre le pied sur moi. Prie pour moi. Sachant qu'on a encore des choses à faire. Plus qu'aucun nous n'est épargné, qu'on est amené à perdre nos races égarées, qu'on sait jamais. Prie pour moi. Je me perds, mais ton regard est important. Ouais, je connais mes défauts. Et peu importe ce que tu vois, je n'ai pas changé. Rattrape-moi, mets-moi dans le vrai. Tire-moi vers le haut.